Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera cette fois consacré à la saga Freddy. On a un peu changé les plannings et voilà, on va consacrer la saga donc à ce film d'horreur, à ces films d'horreur plutôt connus, reconnus, plus ou moins appréciés, on va dire. Bah, c'est la C'est meilleure ça. saga pour moi. Bah, Ah, c'est pas la meilleure carrément. saga de quoi, mais Voilà, de films d'horreur. ah oui. Entre les 1, 2, 3, 4. Faut que tu galoches un peu. Oui, il faut que je Galoche, galère. galoche. Bah, Julien, c'est toi qui es à côté de lui, hein. Entre les Halloween et les Vendredi 13, je pense que c'est la plus. C'est vrai que C'est. niveau qualitatif, Saw aussi. Ouais, mais c'est plus tard. Bah, C'est plus tard. Chucky, Ah oui, moi, c'est plus tard, Chucky, oui. c'est bien Chucky. C'est bien Chucky. Chucky, c'est génial, la Chucky. fiancée de Chucky, Ça, c'est mon petit film, ça, Chucky. Choupi, non? Non, C'est pas les années 80, je pense que c'est la seule qui se tienne un peu. Qui se tient bien, ouais, c'est vrai. Ah oui. Qualitativement, qui est assez égal quand même. Enfin bon, du coup, on va en parler en long, en large, en travers. Oui, je te vois, Julien. Je vois que t'aimes ça. Voilà. Voilà. Je sens que ça va être ma journée, tu vois. Genre. C'est toujours ta journée, mon Julien. Bon, Voilà. allez, bah du coup, on va attaquer avec le premier, qu'Emily va nous raconter et nous dire ce qu'elle en a pensé. Oui, bonjour à tous. Donc. Bonjour, Emily. Ah, c'est vrai, Emily, on t'a pas dit bonjour. Oui. Bonjour, Emily. Oui, on ne s'est pas tous dit bonjour, en fait. Non, c'est pas Mais bonjour. c'est pas grave. Voilà. On est là. Donc, oui, je vais vous parler de Freddy 1, Les Griffes de la Nuit. Donc, réalisé par Wes Craven en 1984. Donc, en fait, le synopsis, donc, on a un groupe de jeunes qui habitent une petite banlieue paisible à Elm Street aux États-Unis. Et en fait, c'est cinq potes qui, depuis quelque temps, subissent le même cauchemar. Donc c'est toujours la même personne, donc c'est un homme à la voix un peu caverneuse qui surgit des ténèbres. Zorro. Un peu. Il a un chapeau, d'ailleurs. Il a un chapeau. Bernardo, voilà. Bernardo. Non, Bernardo, il est muet. Freddy, il est pas muet. Hein. Il ferait peut-être bien de porter un masque. Et il a cet emblématique t-shirt, sweatshirt, pull, rayé rouge et vert. Et ce chapeau qui dissimule un visage tuméfié, brûlé, De bizarre. défiguré, et donc qui ajoute bien sûr un côté terrifiant au cauchemar. Moi, j'aurais dit que c'était ses griffes qui rajoutaient un côté vraiment Ah, mais terrifiant au attends, mais ça, je cauchemar. m'en parlais après. Pardon. Voilà. Et donc on a Nancy, donc c'est une des protagonistes de ce film, de ce premier volet. Et voilà, elle a très très peur de s'endormir, de s'endormir et de voir cet horrible monsieur qui, voilà, en fait, donc ça je vais l'expliquer après aussi. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour planter l'ambiance. Donc en fait, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu, bah, justement, par rapport aux griffes, moi, ça m'a fait penser à Édouard aux mains d'argent, la vision de ses griffes. Et en plus, bien sûr, on a Johnny Depp qui joue aussi dedans. Donc, pour moi, ça m'a fait un petit clin d'œil à ça. C'est le premier rôle de Johnny Depp. Oui. Qu'on reconnaît quasiment pas d'ailleurs, enfin il fait très très. Je sais Il pas quel âge il a fait dedans, pas mais. Johnny Depp. Non. Il fait pas Il fait ramager, pas tu veux dire. encore. Oui, pas le Oui. public encore. Il était très jeune. Et quelquefois, ça m'a aussi fait penser un peu au Conte de la Crypte dans le style comment cinématographique, la façon de. Voilà, surtout le grain, même la séquence, le rythme des passages, des scènes, ça m'a fait un peu penser. À ça. Et en fait, Wes Craven, quand il était étudiant, il commençait à s'intéresser aux rêves, aux conscients, subconscients, etc. Et en fait, il avait plein d'anecdotes, plein d'histoires de personnes dont une qui avait peur de s'endormir parce qu'il cauchemardait. Et en fait, il voulait pas retrouver toujours ce même cauchemar. Donc en fait, il a somnolé, enfin il est resté éveillé pendant 6 jours, Il je est mort de crois. fatigue. Il est mort Mort de de fatigue. fatigue. Il a fini par se suicider, quoi. Et donc, en fait, il voulait, voilà, écrire ce scénario qui a été produit par Robert Shea, donc la production New Line. New Line Cinéma, voilà, c'est ça. Et en fait, Robert Shea lui a suggéré aussi de réécrire certaines scènes pour donner un peu plus de un côté plus marketing, un côté plus vendeur, etc. Et notamment cette scène où on a Nancy qui dort et on a Freddy qui sort du mur comme s'il sortait du drap, enfin comme si c'était un drap comme ça. Cette scène était choquante. C'est voilà. Drôle. Et on a et ça va être repris après dans d'autres je crois que l'Exorciste ils ont repris aussi non, ce genre de fantôme contre fantôme et Poltergeist. Voilà. Poltergeist c'est la télé comme un peu Vidéodrome aussi. Et cette image voilà c'est vraiment voilà tout ça a été réécrit c'était pas l'origine. Et aussi pour l'anecdote, c'est les filles du producteur de Robert Shea qui ont imaginé la comptine qu'on entend. Freddy coupera en deux. Donc voilà, ça c'est des petits. C'est bien pour s'endormir. Moi. C'est super bien. Je pense qu'on l'a fait à jeu, il passe une bonne nuit. Ah oui, mais n'importe qui d'ailleurs. Moi, ça ne va pas empêcher de dormir. Et donc en fait, voilà celui aussi qui a alors le gant qu'il a. Freddy, ça représente en fait les meurtres qu'il commet. Et en fait, c'est le gars qui a créé ce gant. Donc en fait, il a regardé des couteaux à salade. Et en fait, les couteaux à salade étaient courbés vers le haut. Et en fait, il les a juste retournés. Et c'est ça qui lui a inspiré le côté griffe. Et la forme assez particulière des lames. Des lames. Et puis, voilà, ils ont cherché, pareil, une rue entière pour tourner les scènes. Et donc, il fallait qu'ils trouvent tous les habitants d'une rue qui soient OK pour ce tournage. C'était même pas un décor. Non, c'était une vraie rue. D'accord. Et donc, ils ont trouvé donc cette rue et cette maison. Et en fait, la seule chose qu'ils ont changé de la maison, c'est ils ont repeint la porte, en fait, d'entrée. Et quand après tout s'est terminé, ils ont juste repeint de nouveau leur porte dans la couleur originale. Donc en fait, c'est vraiment, c'est pas du décor carton, c'est vraiment. Ça devait même plus être vendable, la maison. Je crois qu'il y a eu. Dit, c'est la maison de Freddy, elle a dû être vendue un paquet de pognon. En tout cas, dans le 2. Elle prend cher la maison. Ouais, dans le 3, le 4. 5 ans à se vendre la maison. C'est vrai, on se demande pourquoi. Tu m'étonnes. Il l'avait repeint en rouge, je crois. Non, en vrai, dans le deuxième film, c'est du mal. Et pareil, c'est aussi dans ses débuts un peu carton. En fait, ils ont fait une pour certaines scènes où on voit Nancy qui se retrouve au plafond de la chambre. Alors c'est pas Nancy, hein, c'est sa copine. Ah oui, pardon. Oui, c'est la copine. Oui. Et en fait, ils avaient fait une pièce que quelqu'un une tournait, pièce une pièce tournante, mais manuellement quoi. Ça laisse Julien rêver une pièce tournante. Et en fait, ils ont laissé une. La caméra était fixe. La caméra était fixe. Voilà. Et ils ont fait un éclairage studio pour montrer l'éclairage par rapport à la fenêtre, quoi. Ouais, pour qu'on ait la sensation qu'elle soit au plafond. Et donc, ils sont resservis de cette scène-là, enfin de cette pièce-là, pour le meurtre de Johnny Depp, pour que le geyser il tombe. C'est ça. Et ça marche du tonnerre. Et ça n'a pas vieilli. Non, ça n'a pas vieilli. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi, au-delà de ça, c'est que il y a vraiment un côté hyper psychologique, subconscient de l'interprétation des rêves, qu'on pourrait imaginer dans des débats philosophiques sur le fait que finalement dans le rêve normalement c'est un rêve et là on peut mourir dans son rêve et tu es mort dans la réalité, donc il y a cette bascule entre rêve réalité conscience, enfin voilà, c'est assez assez prenant comme idée, je trouve. Et ça peut faire flipper, même quand on a plus de 30 ans. Un peu, 40 ans 40... Non plus de 30. Désagréable, c'est vrai. Franchement. Désagréable. Et ouais, il y a un côté, tu te dis, c'est... Le problème, ça peut être hyper psychologique. Tout le monde a cauchemardé, tout le monde a eu peur à un moment donné en se réveillant. Et puis c'est terrible, les rêves, tu peux pas y échapper. Hein, donc... On peut pas y échapper. Tout le monde rêve et c'est vraiment... Après, on s'en souvient plus ou moins. Et justement, ce que faisait Wes Craven, c'est qu'au départ, pour faire ce film, il commençait à écrire. Dès qu'il se réveillait, il écrivait ses rêves, que ce soit rêve, cauchemar, etc. Et il se rendait compte que c'était aussi une gymnastique, que quelquefois on se dit, bah tiens, je me souviens de mon rêve, et puis 2 heures après, on s'en souvient plus. Et en fait, le fait de les écrire, ça permet de tracer un petit peu son inconscient et de pouvoir presque le contrôler. Et c'est assez énigmatique. Et voilà. Et pour la petite, le petit plus aussi, c'est Walt Disney Pictures voulait était intéressé pour en faire un conte. Et en fait, Wes Craven a refusé parce qu'il voulait pas du tout que ce soit quelque chose d'édulcoré. Ah et, oui, parce que là, oui. Voilà. On était bien. Bah, on serait tombé dans le. Ouais, des bisounours. C'est ça. Non, pas forcément, parce que regarde Roger Rabbit, ça reste Disney, et c'est pas bisounours non plus. C'est Touchstone, mais c'est Disney. Mais du coup, voilà, je pense que son idée principale, c'était. Voilà, il avait aussi cette image de cet abominable. Ce bonhomme brûlé. Là. Ce bonhomme brûlé, et pareil, on voit pas trop dans Disney comment ça peut être possible. Ça peut être compliqué. Déjà, pour un adulte, c'est compliqué. Surtout à cette époque-là. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais dire du 1 que j'ai bien aimé. D'accord. Tu as posé toutes les bases, hein, du coup. Parce qu'on a raconté sur les rêves, on le reprend dans le 2. Oui, sauf que ça évolue. Enfin, dans le 2, ça évoluera. Dans le 3, ça évolue encore plus. Le 4 aussi. Le 5, ça dévie. Le 6, ça s'écroule un peu. Le 2, il prend une direction un peu inattendue. Ouais, parce qu'il ne sait pas où est-ce que Kraven qui écrit. Ni les autres, d'ailleurs. Je crois non, c'est. Wes Craven, il revient que pour le 7. Le 3, il avait posé des bases et fait des scénaristes ont dit non, c'est naze. Enfin, les bases du 7 étaient posées dès le 3. Mais on en reparlera, je pense, en temps voulu. Parce que tout le sujet des rêves, je peux dire à peu près la même chose. C'est fou! C'est fou, c'est dingue. C'est dingue, magnifique. The kids of Elm Street don't know it yet. But something is coming to get them. There's something out there, isn't there? We could just see cuts happening. What did that, Lieutenant? I don't know. Tina! What's the coroner got to say? He's in the John puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. No! She's the only one who can stop it. If she fails... I'm your boyfriend now, Nancy. No one will survive. Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street. Et justement, toi, tu vas pouvoir nous parler d'un sous-texte qui t'a pas sauté aux yeux. J'enchaîne sur le 2. Voilà. Le deuxième film se passe 5 ans après. Là, le film, donc Freddy 2, La Revanche de 85. Voilà, 1985, Jack Shoulder, le réalisateur. Ça se passe 5 ans plus tard, après les premiers événements. Et c'est le principal personnage s'appelle Jesse, un jeune adolescent, qui commence à faire des cauchemars lui aussi. Alors là, c'est plus une histoire de possession, du coup. Un peu plus de possession, puisque... voilà, le fil conducteur du film, c'est Freddy qui essaie de prendre un peu possession du corps de Jesse Pour passer dans la réalité, commettre des meurtres. Et du coup, dans le film, il commence à avoir des meurtres du professeur de... Le prof de sport, dans la douche. Je suppose que tu as beaucoup aimé ce passage. Je tout nu, avec un petit coup sur les fesses. Les grands coups sur les fesses, même. Ça t'a parlé, ça. Oui, j'ai beaucoup pensé à toi, du coup, bizarrement. Ah bon Et un short, non? Petite fesse poilue. C'est le deuxième meurtre avec son copain. Tous les copains en mini short, ouais. Du coup, Jesse, il est aidé quand même par sa copine ou son amie ou sa future copine pour lutter justement contre cette possession. Ah, il sait pas au début, il est un peu... Ouais, en fait, on sait pas trop au début, à un moment donné, on sait plus trop si c'est réel, si ou si il est dans le cauchemar, ouais. Ça dépend des scènes, en fait. La scène dans la douche avec le professeur de sport, on dit, alors, est-ce qu'il rêve de nouveau? Voilà, ou parce pas que par contre, il est censé être là, à ce moment-là. Donc. Il est censé être là, donc là, on se dit, bon, ok. Mais en fait, on n'a pas encore l'image de la possession, c'est bizarre. Ouais, on se demande s'il est dingue, s'il rêve, voilà. Ouais, ouais. Mais bon, après, quand le deuxième meurtre, justement, quand il va voir sa copine pleine de sang, je pense, là, quand même. Ouais. Puis après, quand Freddy sort de lui, bon, il y a moins de... Oui, là, voilà, là, quand il sort de lui, ouais. Bon, elle a trouvé le courage de l'embrasser, quand même. C'est vrai. Le Freddy. Faut avoir envie avec sa tête de pizza. Faut avoir envie. Donc, appétissant. Appétissant. Mais ouais, du coup, la fin. J'ai pensé, tiens, ça va bien se finir. Mais bon, connaissant la fin du premier, je dis à mon avis, il va y avoir un truc. Ça va être la même. Bon, on va pas trop dire la fin, mais en tout cas, j'ai rien compris à la fin, de toute façon. Donc, pour l'expliquer, hein, d'où le Freddy sort, on sait pas. On ne sait pas trop, vu qu'il n'est plus avec Jesse, donc on ne sait pas trop. Et puis bon, la fameuse scène du bus qui part dans le désert. Ça, c'est au début et à la fin. C'est le début à la fin. Alors le début, juste ridicule, hein, on ne va pas se mentir. Ouais, moi, j'aime bien la patine que ça donne au film. Il y a un côté carton à la Beetlejuice, en fait. Ah, oh, ouais, mais là... Moi, je découvrais le truc, hein. Donc, au bout de 5 minutes, tu fais le rêve. Tu fais, si ça continue comme ça tout le film, ça va être compliqué. Puis non, finalement... Le reste du film, ça va. Le reste du film, pour les années 80, c'était pas mal. Mais bon, faut pas juger le film sur les critères d'aujourd'hui, c'est sûr. Parce que non, il y a des trucs un peu plus de mal. Mais non, le film, finalement, on rentre bien dedans, parce que c'est genre de petite enquête, les origines de Freddy, comment le combattre, tout ça. Ouais, c'est même pas les origines, c'est vraiment comment le combattre. Cette oui, comment le combattre, enfin les origines, qu'est-ce qui a provoqué ces événements. Ouais, en comment ça lieu, se fait qu'il revient. Voilà. La sexualité un peu perturbée de Jesse. Oui, alors ça, je ne l'ai pas calculé. Calculé le mec, il sort boire un verre dans un bar, ils sont tous en cuir avec des moustaches, ça t'a ouais, j'ai pas pensé. Tu vois, ça, j'ai pas cliqué, il avait pas en chantant Moyen Mais tu vois, il s'est dit, bah quoi, c'est le même bar où je vais. C'est les années 80, tu vois, je me dis, bon, voilà, tu vois. Putain, il y avait écrit Blue Oyster Club sur le truc, mais non. J'ai pas vu tous les détails à fond. Voilà, quoi, mais. Non, moi ça m'a pas choqué. Alors effectivement, en fait, en parlant comme ça et le petit coup de torchon sur les fesses, c'est vrai que bon, ça m'a rappelé, il y a des indices. Ça m'a fait rire. Je dis, c'est bizarre comme ça quand même. Puis il marque bien le mec, un petit coup de serviette, le mec, il était quand même bien. Il a bien raté la serviette. C'était un fouet. Ah ouais, il a bien pris. Puis il est pas crucifié, mais il est attaché au truc. Ouais, on croit quand même. Enfin, voilà, du coup, c'était un peu bizarre. T'es un peu sur les pratiques SM. Un peu bizarre. Mais bon, voilà. Donc. Bah, du coup, ça explique que tout le monde n'ait pas vu le sous-texte à l'époque. Hein, parce que... Ouais, je trouvais ça un peu gros, mais non, si je viens un peu passer à côté. Tu vois, même moi, ça m'a pas. Ouais, mais petit, ouais, je comprends. Petit, tu passes à côté, tu cherches pas. Mais là, quand je l'ai revu il y a 10 ans, j'ai dit. Mais quand même, hein. Mais quand même, il y a un petit truc bizarre, quoi. Mais c'est bien en même temps, quand tu parles des rêves et des cauchemars, enfin, de ton inconscient, du coup, tu peux presque dire tout ce que tu veux. Oui. Puisque c'est ton. C'était peut-être tes trucs enfouis. Ah oui, lui, c'était bien enfoui. T'es pas totalement responsable. On a tous rêvé de se prendre un coup de torchon. Ah bah, tous. Tous. Toi, tu l'as plus que rêvé, toi. À chaque douche, je lui laisse balader avec sa serviette. Et regardez, elle est déjà enroulée. Mais ce qui est drôle, alors c'est pas très drôle, mais je me souviens. Bon, c'est drôle ou pas? Je sais pas. Si, non, je crois pas. Mais c'est dans l'esprit, en tout cas. Je devais avoir peut-être 7-8 ans. Donc, moi, je suis née en 82. Donc, Freddy, j'avais 2 ans. Bon. Et je l'ai peut-être vu inconsciemment parce que je me souviens encore d'un cauchemar que j'ai fait. Et il y a un homme du genre Freddy. Olivier, quoi. Non, du genre Freddy. Parce que voilà, j'ai coupé mes ongles. Je pense pas l'avoir vu, ou alors mes parents regardaient, mais j'ai regardé dans une lucarne. Il y a la série Freddy qui est passée sur la 6. Sur la 5 avant. Ah ouais, sur la 5 de... Mais en quelle année, du coup? 89. Ah, c'est possible, alors. C'est une série avec des épisodes. C'est Freddy qui présente un épisode. Ouais. Mais j'ai peut-être j'ai fait un Freddy, je me souviens d'un cauchemar où il y avait un genre de gars, bon, il n'avait pas le pull rouge et vert, pas à ce point-là, mais c'était un gars, ouais, genre, moi je disais que c'était un clochard et qui me poursuivait avec un couteau, avec une serviette, c'est ça, et je me suis réveillée et je m'en souviens encore de ce cauchemar. Donc c'est peut-être penchez-vous moi la série, je me rappelle pas, ou alors ma tête, elle a dit non, oublie. Et ça m'a longtemps ça m'a longtemps marqué, enfin même encore Bah, j'en ai revu un, il y en avait un sur YouTube de la série, au bout de 10 minutes j'ai dit, ah ouais c'est naze, hop, suivant. Non, mais c'est juste Freddy qui présente un truc et c'est après, ça bah, le raconte... premier raconte une histoire de Freddy vraiment, ouais. Après c'est fini. Donc t'es rêvé de Freddy. Ouais, en gros, ouais. Alors il avait une tête de pizza, hein, c'est vrai aussi. Non mais ça c'est une vraie anecdote que le mec quand il a fait le deuxième design, Kevin Yeager, en voyant sa pizza, il dit, ah, faudrait que ça coule comme ça là. Il n'y avait pas de griffe, il y avait un couteau, mais bon, voilà, c'est marrant que ce soit assez dans la temporalité assez proche quoi. Ça se tient. Alors qui donc qu'a vu Freddy 2 à part toi, Julien? J'ai vu un peu longtemps, c'est pas le meilleur. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un vrai Freddy. C'est pas Freddy. Moi je l'ai vu aussi et j'ai trouvé juste que ça pissait le sang de partout. C'est vrai qu'il est un peu crado, hein. Il est un peu cracra celui-là. Il y avait que ça. Tu sens. Ah, et puis les chiens à tête d'homme aussi à la fin qui sont un peu. Oh, c'est ridicule, mais c'est glauque. Il y avait vraiment des trucs ridicules. Ah, je sais pas si ridicule c'est le mot exact. C'est gênant, c'est embarrassant. Ouais, c'est embarrassant. Mais pisser le sang, je pense que ça pisse le sang. Ah, quand même si. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Bah, le 1, c'est que t'as. Il y a juste du sang quand il y a la mort de Johnny Depp, sinon il n'y a pas beaucoup de sang. Enfin, pas beaucoup. Un peu. Beaucoup. Non, dans le 1. Ouais. Le 1, c'est raisonnable. C'est l'entrée en matière. Voilà, c'est l'introduction. Mm-hmm. Bien, bien. Bon, bah, si personne n'a rien à ajouter sur le 2, on enchaîne avec le 3. Non, je suppose. Oubliable. Il est clairement oubliable. Le 2 ? Oui. Ouais, oui, il est oubliable, il les a pas, mais bon. Moi, il m'a moins gêné que d'autres. Que d'autres Freddy ? Oui, que d'autres Freddy. Ah ouais ? Bah oui, le remake, le 6. Les coups de torchon quand même. Il y a les coups de torchon, c'était coups de torchon quand même, c'est assez mythique comme scène. Là, au début, il se prend des ballons ou des balles, je sais plus. Ballons, basket. Qu'est-ce qu'il fait, ce con de Freddy ? Il va lancer des balles dans la gueule, il joue pas en prisonnier. Il se fait traîner comme une lavette dans le couloir de la douche. Là. C'est vrai. Il se fait attacher, il se fait bien fouetter. Oui, oui, on voit que ça t'a marqué. On voit bien que ça t'a marqué. Après les griffes de la nuit, l'homme de vos rêves est de retour. La revanche de Freddy. Crie pour moi. Tout compte fait, on se serait bien passé de lui. Ça recommence. Papa ! J'ai des emmerdes. Je crois que t'as fait des cauchemars, c'est tout. Au secours ! Tu peux que lui, il n'entend rien. Il y a quelque chose en moi. Bats-toi. Tu n'as pas à avoir peur de lui, il n'existe même pas. Non ! Tire-toi, Lina ! Watson se détruit. La revanche de Freddy. Voilà. Bon, bah, ok, bah, alors passons au 3. C'était Héloïse, je crois, le 3. Non, c'est moi. C'est toi ? Oui. Ah, c'est le 7, Héloïse, pardon. Ouais, le... Excuse-moi. Ah, t'es loin, toi ? Bah, elle est toujours plus jeune. Début, fin. Voilà. Bah, je vais vous parler de Freddy, les griffes de la nuit. Les griffes du cauchemar. Les griffes du cauchemar. Dream Warrior, en vrai. Ouais. C'est moins confusant. C'est le premier de la trilogie des Dream Warrior. Ouais. Réalisé par Chuck Russell. Bah oui. Le papa les Fasseurs. Masque. Ouais. Les Fasseurs aussi. Ouais, le masque aussi. Je crois qu'il y en a fait un autre. Bah pourri. Le Blob. Le Blob aussi. Et un dernier, mais il était pourri vers la fin des années. Début 2000. Je sais plus. Qui a pas marché beaucoup. 1987, hein, et ils ont le temps de maturer. De le digérer un peu. Ouais, voilà, parce que le 1 et le 2. Ah, mais le premier, entre le 2, il y avait plein de nuits avant. Même pas là. Ça se passe dans les hôpitaux psychiatriques. Nancy est une interne, je vais pas dire la phrase, dans les hôpitaux psychiatriques. Vas-y. Et quatre adolescents sont tués par. Ok, alors en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que qu'est-ce qui se passe dans le troisième film ? Il y a deux psychiatres en gros qui s'occupent d'enfants qui sont internés parce qu'ils ont des troubles troubles du sommeil, si je dis pas de bêtises. Ouais, et pendant certaines nuits, certains vont être tués. Et au final, on a Nancy qui apparaît dans le premier film qui va revenir pour aider un des psychiatres à régler le problème des enfants. Goldman. Docteur ouais. Sims, c'est Gordon. Moi, ouais, c'est ça leur nom. Au final, qu'est-ce qui se passe? Nancy, elle comprend que ses enfants ont exactement le même problème que ce qu'elle a vécu. C'est ça, ce cher tonton Freddy est de retour. Et du coup, Nancy, elle va proposer au docteur Gordon d'appliquer un traitement qui supprimerait les rêves. Et du coup, ce qui leur permettrait de dormir sans avoir de risque de se faire tuer pendant qu'ils dorment, en fait. Et du coup, ils vont se retrouver tous... un peu plus tard, ils vont tous se retrouver sous une séance d'hypnose collective pour essayer ensemble de se battre contre Freddy pour l'éliminer. Ouais, parce que l'une d'entre elles peut appeler tous les autres dans son rêve. Exactement. D'où le nom des Dream Warriors, parce qu'après, ils ont des pouvoirs. Oui, voilà, ils ont tous des super pouvoirs un peu particuliers. Il y en a un qui est super fort. C'est Barracuda. Je me rappelle pas des noms. Il y en a une qui est... Alors moi, dans mes rêves, je suis belle et méchante. Ouais. Qui est habillée, du coup, en punk. Ouais, en punk façon Street of Rage, pour parler à Julien. Du coup, il y en a une qui peut appeler les autres dans ses rêves. Il y en a un qui est un grand magicien. Ouais, et celui qui est paraplégique, c'est lui qui est magicien ou pas ? Celui qui est magicien, je crois, ouais, c'est le ça. Mec en fauteuil. Et t'en as un autre, on saura jamais vraiment ce qu'il est, parce qu'il se fait kidnapper par Freddy dès le début de la séance. Mmh. On sait qu'il est un peu attiré par les femmes, lui, par contre. Oui, c'est voilà. C'est comme ça que Freddy l'attire. Ouais. Il se fait bouffer, dégommer par une infirmière qui est à moitié après. Il se fait pas franchement dégommer, mais bon. Bah, parce qu'il sera là dans le 4. Hein ? Ouais, mais dans le 4, il se fera dégommer pour le coup. Ah bah alors. Ah bah alors. Hein ? Quel scandale. Walid, tais-toi. Merci d'être venu, Walid. La participation, sympa. Ouais, du coup, Walid va pouvoir nous dire quand même ce qu'il a pensé. Oui, c'est de mon préféré des Freddy des Dream Warriors. Pour moi, c'est un des meilleurs de Freddy. Surtout la scène culte quand Freddy prend les... Les tendons, il joue avec, moi, pour moi, cette scène. Il fait une marionnette. Ouais, cette scène est infâme. Putain. J'ai mal. Et voilà, quoi. Là, il y a vraiment un côté sadique à Freddy dans celui-là qui commence à apparaître vraiment... joueur, et qui fait ses punchlines qui commence à... Ouais, comme to prime time, c'était celle-là. Mais là, ça va encore, ça, tiens, il n'est pas trop bavard. Il n'est pas trop bavard, mais moi, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs pour moi de Freddy. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Freddy, celui-là. Après, je ne sais pas. Moi, pour le coup, pour moi, c'est un des meilleurs. Avec le 5 et le 7, moi, il fait partie des 3 que je préfère. Les autres. Moi, c'est le premier, le 3 et le 7. Le premier, je le trouve trop plan-plan. Ouais, mais c'est lui, il pose des bases. Il pose des bases, ouais, mais il est plan-plan. Moi, j'ai bien aimé connaître les origines de Freddy. Ouais, ils sont un peu glauques, les origines de Freddy. Un peu glauques, mais c'est toujours plus intéressant de connaître, en gros, d'où vient tel ou tel monstre, si je peux dire. Ouais, on peut, ouais. Et en plus, moi, j'aime pas, il y a une mystère que tu sais... Ouais, mais bon... L'explication de... Ouais, l'origine, en fait. Ouais. Mm. Ouais, puis l'origine est quand même assez mystérieuse, quand même, parce qu'ils disent, bon... Il a été violé, enfin, c'était une nonne qui a été violée par les... On va l'expliquer, de toute façon, l'origine. Même dans le 2, il l'explique. Ouais, mais oui. Il parle pas encore de la nonne qui s'est fait violer par... Non, ils disent juste, machine, en fait, c'était sa mère. Et c'est tout. À la fin du film. Voilà, sa mère qui réapparaît ensuite dans le 4, dans le 5. C'est dans celui-là que pour le tuer, il faut le bénir et l'enterrer. Voilà. Oui. Avec les et c'est pour ça qu'après, il y a d'autres films après, pour dire que c'est un échec. C'est un échec, ça ne marche pas. Mais sinon, concrètement... c'était cool de revoir Nancy, en fait, parce que, je sais pas, en plus de Freddy, c'est le personnage qui est associé à Freddy, quoi. Mmh, c'est vrai. Bizarrement, alors que c'est pas elle qui survit au plus de films, hein, parce que ce sera Lisa, au final. Mmh. Mais c'est elle qui reviendra dans le 7. Enfin, c'est son... Personnage. C'est son interprète qui reviendra dans le 7. C'est... Heather machin truc dans Heather, le rôle d'Heather machin truc. Ouais. Voilà. Mais moi j'aime bien le 3, ça qui fait partie aussi de mes favoris. Il est très graphique quand même. La mort avec les tendons, là, c'est rien que ça. dès le début, ça te met dans l'ambiance, tu comprends que... Bah, puis même, on retourne plus dans l'esprit du premier, parce que le 2, enfin, on sait tous, il se dévie énormément du principe de Freddy. Le producteur, oui. il a dû dire, ah, ça a bien cartonné le 1, bah, faut qu'on fasse un vite. Voilà. Ils ont pas pris le... Et du coup, ouais, on retourne plus dans le troisième au vrai cauchemar. Ouais, on est dans les rêves. Et dans le troisième, on est dans les rêves, alors que dans le premier, on voit pas les rêves. On voit le résultat en réel, mais on voit pas vraiment de quoi il rêve. C'est vrai. Là, dans celui-là, on voit vraiment de quoi il rêve. Du coup, ça donne lieu à des scènes assez cool. Surtout la scène de la télé aussi. Qui était ouais, bien. La télé est bien. Toutes les scènes sont plutôt bien faites. Hein. Puis le 1, c'est vrai qu'il est peut-être plus plan-plan parce que c'est le démarrage. C'est comme quand tu commences un bouquin. Ça pose les bases. T'as un peu la présentation du contexte, etc. Donc ça peut être beaucoup moins. Après, quand t'es dans le vif, je pense que le 1, ça vient aussi de Wes Craven. J'ai toujours considéré que Wes Craven était un réalisateur qui a des bonnes idées, mais en tant que réalisateur, il est plan-plan. Il est pas ouf. Alors c'est pour ça qu'il a réécrit pas mal. Enfin, son prod lui a réécrit pas mal de trucs, quoi. Mais même Freddy, le concept est bon. Même Freddy 7, le concept est bon, mais c'est un peu plan-plan derrière. Mais ça, on en parlera quand on parlera de Freddy 7. Mais par exemple, le 3, le réalisateur, bah, Chuck Russell, lui, on sait qu'il est très cartoon, et du coup, bah, ça donne une autre patte à Freddy. Et d'ailleurs, ça continuera après avec Freddy 4, dont on parlera juste après. Et à partir du 2, ça a plus été produit par... Wes Craven... C'est New Line du début à la fin. C'est tout le temps New Line. C'est toujours New Line du début à la fin, Freddy. Bah, on a aussi le 5 qui est très cartoon. Ah oui. Moi, j'ai bien aimé le 5. Moi, j'adore le 5. Moi. Enfin bref. Il est déjà là. Il vous attend. Il sait que vous avez sommeil. En tombant dans les bras de Morphée, vous allez retrouver les griffes de Freddy. À nous deux, salauds. Voici ton forêt, gamin. C'est moi, le maître des magiciens. Le plus grand magicien. Écoutez bien, j'ai dit que je vous montrerai l'endroit, pas que je resterai. On a un boulot à faire. Quoi ? Que racontez-vous là ? Vous allez assister à un enterrement qui aurait dû être fait il y a longtemps. Tous les rêves mènent vers Freddy. Si vous vous croyez assez fort pour l'affronter, pensez-y encore. Freddy, l'homme de vos rêves est revenu. 7 millions d'Américains n'en dorment plus la nuit. Freddy 3, les griffes du cauchemar. Bon, bienvenue à tous dans cette spéciale Freddy. Donc cette fois, on va parler de Freddy 4 avec le corbeau, qui s'est coltiné peut-être pas le pire du lot quand même. Mais du coup, on va en parler tout de suite. Salut le corbeau. Salut. Content d'être là. Ah, bah, content de te recevoir, hein, comme souvent. Après tout. Moi, dès qu'il y a de la lumière et de la bière. Tu me laisses la bière, tu prends la lumière, ça ira. C'est ça. Voilà, donc avant qu'on commence et qu'on parle directement de Freddy 4, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, déjà chez toi, souvent. Hein, effectivement. Souvent invité chez toi. Je fais mes petites pastilles aussi, des petites pastilles de 2-3 minutes à tout casser que tu postes sur Twitter. Et ouais, puis, je sous-traite. C'est ça. Et puis sinon, chez Berserker MC, donc le MC Berserker, pardon, pour où je suis... Où je fais de petites apparitions de temps en temps. Quoi. Je ne suis pas aussi prolixe que j'aimerais, mais manque de temps. Mais voilà, on en fait de temps en temps et on invite des gens plus ou moins convenables. C'est pour ça que tu es venu d'ailleurs. Voilà, moi c'est le côté moins. C'est ça. Bien, parfait. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton rapport à la saga Freddy ? Alors la saga Freddy, je l'ai découvert tardivement. Le premier, j'ai dû le... Je crois que le premier Freddy, je l'ai vu en laserdisc quand j'ai... Ça devait être fin des années 90. Donc, un laserdisc que j'ai acheté. Voilà, j'avais ma petite télé. C'était dur à voler, les laserdiscs. Ah, tu m'étonnes, tu sortais pas de la Fnac comme ça, quoi. Hein, donc, il fallait avoir une grande casquette, quoi. Mais bon, c'était assez sympa pour découvrir des films. Et donc, j'ai découvert Freddy dessus. Et à la base, Freddy... Enfin, je l'ai découvert, j'en l'ai vu plutôt pour la première fois en laserdisc. Sinon, moi, Freddy, je l'avais découvert avec Mad Movies. Ils avaient toujours des affiches quand il y avait un nouveau Freddy qui sortait. Et il était souvent sur la couverture. Alors, tu avais toujours des trucs assez dingues. Et bah Freddy, oui, je l'ai découvert par Mad Movies. J'avais vu aucun des films. Je l'ai découvert au fur et à mesure qu'ils sortaient dans les années 80, parce que j'avais pas encore l'âge de les voir déjà. Puis mes parents, je pense pas qu'ils m'auraient emmené voir ça. Et puis ils me l'auraient pas. Alors ton père t'a emmené voir El Driver quand même. Oui, mais enfin, moi j'avais 30 ans passé, quoi. Donc... Ah oui, c'est vrai. Donc, et c'est lui qui est sorti en disant, putain, quel film de merde, n'oublions pas. Ouais, et d'ailleurs, pour les amateurs, il est sur Amazon Prime depuis une semaine ou deux. Hein. Bah voilà, voilà. Si c'est pas du bonheur, ça. Hein, voilà. Donc, Freddy, donc je l'ai découvert que par Mad Movies. Et à chaque fois, c'est bizarre, j'avais cette image de Freddy. À chaque fois, il disait... Bon, on se fait plaisir, mais il est moins bien que le précédent. Je sais pas si j'ai ce souvenir récurrent quand ils en parlaient, quoi. Si, c'est ce qu'ils se disent souvent, c'est ce qu'ils se disent souvent. Pourtant, je suis pas d'accord avec ça, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc et Freddy, et puis c'est surtout Freddy, c'était des pages et des pages sur les effets spéciaux, le maquillage, les mises à mort, etc. C'était quand t'as quoi, 12-13 ans, quoi. Ouais, ça devait être dans ces années-là que je l'achetais, que j'ai commencé à l'acheter. C'était... T'avais le petit goût d'interdit, tu lisais des trucs sur Freddy, t'avais l'impression d'être un hors-la-loi presque, hein. D'être à part, quoi, de lire des trucs crapoteux, c'était limite de la pornographie, quoi. Mais alors que bon, quand tu regardes ça maintenant, ça a pris un petit coup de vieux, quoi. Bon, c'est plus la même époque, c'est sûr. Je peux pas exactement dire ce que ça représentait dans les années 80, mais maintenant, bon, c'est. On a fait mieux, on a fait plus terrifiant, on a fait plus gore. Voilà. On a fait plus terrifiant et plus gore, plus dingue et mieux fait, ça se discute. Moi, je suis pas un grand fan de Freddy, quoi. T'imagines, moi, j'ai moi dû non voir plus, le premier bon. Que j'ai vu, c'est Freddy, le premier Freddy. Après, le 4, je l'ai découvert ce soir, enfin dans la journée. Et je crois que j'avais vu Freddy sort de la nuit et Freddy versus Jason, tu vois, ça doit être... Ah bah t'as vu le meilleur. Oh là là, Freddy sort de la nuit, j'en ai plutôt un pas mauvais souvenir. C'est celui-là que je pensais, hein. D'accord. Parce que Freddy contre Jason, c'est vraiment pas Freddy bon. Freddy versus Jason, à part, c'est dans celui-là où Freddy envoie... Non, c'est peut-être pas, c'est dans celui-là que Freddy envoie Jason avec une grosse bouteille d'air comprimé dans la tronche ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, vers la fin, quand il se frite, ouais. C'est ça. Et t'as Freddy qui fait du kung-fu dans celui-là. Voilà, et puis t'as Jason qui reste monolithique, puis t'as Freddy, le côté rigolard. Et voilà, aucun souvenir des acteurs, de l'histoire, c'est le flou total, quoi. Moi, j'avais un bon souvenir de celui-là, et je l'ai revu pour l'émission, et oh putain, j'aurais mieux fait de pas le revoir. Ah, il y a des choses qu'il faut laisser enterrer, hein. C'est pas possible. J'avais vraiment un bon souvenir, je me suis dit, ah c'est cool, je vais me refaire Freddy contre Jason, et oh merde, j'aurais pas dû. Mais le 7 est bien, moi j'aime bien le 7, faut reconnaître, le délire méta, il est très très très intéressant. Mais bon, oui, donc t'as découvert Freddy, en fait tu t'es fait 1, 4, 7. C'est ça. T'as pris le pouls au milieu, histoire de dire comment c'était au milieu, et puis voilà quoi. C'est ça. Donc, à la base, quand tu m'as proposé de faire un truc sur Freddy, tu m'as dit, prends un Freddy, au hasard. Bah, j'ai pris le 4, en fait, non seulement parce que j'en avais entendu parler, et puis surtout, le réalisateur, c'était Rémy Harlin. Alors, tu vois, Rémy Harlin, tout de suite, t'as le cœur qui bat, quoi. Tu dis, bon bourrin de Rémy Harlin dans les années 80, ça devait quand même pas être vilain, quoi. Bah donc, oui, il était pas mal. Enfin, même, ouais. Juste, il y a pas très longtemps, il était pas si mauvais que ça. C'est ça, mais... Je sais pas, moi, Rémy Harlin, beaucoup de bons souvenirs. Hein. Au revoir à jamais, L'île aux pirates, Cliffhanger, etc. Même, comment il s'appelle celui-ci, où il envoie des professions profileurs, c'est ça, non? Oui, c'est... avec Stallone, profession profiler, là. Non, pas avec Stallone, tu sais. C'est pas avec Stallone? Ah non, c'est pas avec Stallone, c'est avec Val Kilmer, voilà. Val Kilmer, etc. C'est que des profilers du FBI qui se retrouvent sur une île déserte. C'était propre. Il y a une ou deux mises à mort qui sont pas piquées des hannetons. C'est ça. Avec le recul, c'est pas vilain. Surtout quand on voit ce qu'a pu faire Rennie Harlin derrière. Et puis n'oublions ou ce pas qu'a pu faire Christian Slater. Hein. Oula, oui. N'oublions pas Peur Bleue, qui était quand même très très honnête. Hein, très honnête film d'Américain. Hein. Plus qu'honorable, même Peur Bleue. Hein, largement. Il faudrait presque le professeur Rico avec nous pour qu'il... Bon, en même temps, il nous trusterait le micro pendant 2 heures. Quoi. Mais sinon... Voilà, c'est un film très très très sympa. Ah, j'aime bien Peur Bleue, c'est un peu Jurassic Park sous l'eau, mais j'aime bien. C'est ça. Et puis toi aussi, c'est con, c'est décomplexé, c'est une bonne péloche, bonne art à regarder, quoi. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Donc, je te parle de Freddy Cat. Eh ben, allons-y. Un petit résumé vite fait, et puis après, tu nous dis ce que t'en penses. Eh ben, ça commence par encore des adolescents qui, a priori, ont survécu à Freddy. Ils doivent venir des films précédents, je suppose, hein, puisque je les... Oui, ils viennent du 3. Les trois survivants qui meurent dès le début viennent du 3. C'est ça, voilà. Donc, ils viennent du 3. Et bah, ils continuent de rêver de Freddy, et parmi eux, il y en a une qui s'appelle, si je me rappelle bien, Christine. Ou Christy, ouais. Christy, voilà, je crois. Christy, qui me dirait le pouvoir d'appeler les autres dans ses rêves. Putain, ouais. Le pouvoir de merde, quoi. Toi, t'es là en train de tranquillement... Surtout quand il y a Freddy, quoi. Ouais, c'est un rêve avec du sexe, de la luxure et tout. Tu te dis, ouais, ça peut être sympa. Putain, tu débarques, il y a Freddy qui veut te couper en morceaux. C'est des mouvements moins cool, quoi. Voilà. Donc... Et donc elle peut appeler les autres dans ses rêves, et en fait elle aussi continue de rêver de Freddy, et bah, peu à peu, ces jeunes se font tous démastiquer les uns après les autres. Alors je dois admettre que les mises à mort sont plutôt sympas. Bon, il y a le petit gros au début, bon, il se fait juste empaler par Freddy. Il y en a un qui meurt étouffé dans son lit, dans son matelas. Ça c'était plutôt rigolo, moi j'ai bien aimé. Ah puis il y a un bon body count hein, dans celui-là. Oui, ça, il y a macabre. Il y va, c'est bien. Mais pas trop de résiné quand même. Hein. Tu vois des taches de sang, mais c'est pas extrêmement graphique en fait. Il y a quand même des scènes qui sont bien graphiques, le cafard, tout ça. T'as 2-3 scènes qui sont bien costauds. Oui. Hein. Ah, par contre, j'ai beaucoup aimé la renaissance de Freddy. Tu sais, la terre qui s'ouvre, tu vois un squelette. Et pour l'époque, c'est très très honorable. Hein. Même c'est maintenant, très honorable. Ça devait être très fort à l'époque, et de nos jours, là, ça a plutôt bien vieilli, il faut être honnête. Ouais. Voilà, c'est assez propre de ce côté-là. T'as une petite apparition de... Pardon, excuse-moi. J'allais dire, le truc un petit peu con avec cette scène-là, c'est comment la terre s'ouvre. C'est parce que le chien leur pisse dessus, quoi. C'est ça, le chien qui pisse des flammes, etc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as une petite apparition de Robert Englund déguisé en infirmière, qui était rigolo, quoi. Oui. Ça m'a fait marrer. Freddy en requin. Tu sais, la nageoire dorsale du requin, oui. C'est en fait le gant de Freddy. Du sable. En plus, c'est le requin des sables. Là, c'est la totale. Ouais, donc j'ai bien aimé parce qu'il y a de l'inventivité dans les plans, dans les mises à mort, dans les apparitions de Freddy. Donc de ce côté-là, c'était plutôt pas mal du tout. Plutôt pas mal du tout. Tu sens l'économie de moyens, mais le résultat est quand même plutôt propre, quoi. Donc je continue l'histoire. Les trois derniers qui avaient survécu meurent, et en fait celle qui avait le pouvoir d'appeler les autres dans ses rêves le transmet à la survivante, à la nouvelle héroïne. Voilà, j'ai du mal avec les prénoms. Bon, ben donc je crois que c'est Lisa, celle-là. Voilà, et donc elle a un frangin qui fait des arts martiaux, voilà. Et puis bon, ils ont tous des bonnes gueules des années 80, hein. On y est à fond. Hein. Les loups qui sont, ils ont pris un peu cher avec le temps, hein. Et la VF aussi a pris un petit peu cher, quoi. Ouais, c'est, ouais. Alors, le doublage colle bien aux lèvres, je trouve. Mais alors par contre, les expressions, les expressions, les comédiens sont pas convaincus, hein. Puis les dialogues, je sais pas qui a adapté le dialogue, autant ça colle aux lèvres, autant ça manque de punch. Hein, c'est... Ouais, alors les dialogues étaient peut-être déjà pas formidables en VO, hein, parce qu'il y a... C'est possible, ouais, je l'ai vu qu'en VF, quoi. Les dialogues sont pas fous, ils ont plus l'impression d'être lus que vraiment, t'as pas de ressenti derrière. Hein, voilà, c'est... Ce bah, en même temps, c'est de la péloche des années 80, c'est Freddy, je pense que à la base ça devait être un petit budget, et puis à mon avis la distribution en France... Ça devait être pris un petit peu en dessous de la jambe, par-dessus la jambe, pardon. Peut-être, donc, mais c'était pas un petit budget. Pour un Freddy, il était plus cher que le 1, le 2 et le 3. D'accord. Bah, mais par contre, il est tombé pendant la grève des scénaristes. Ah, d'accord. Et donc, ils ont bâclé un scénario, et c'est Rémy Harlin qui a fini scénario, des dialogues, enfin, 2-3 bricoles pour compléter le film, quoi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu plus... D'accord, donc... Ouais, je trouve qu'il manque un truc au film, c'est un scénario, quoi, mais... D'accord, donc... Le scénario, il est, bah, de toute façon, les scénarios des Freddy, il faut être honnête, hein, c'est deux adolescents débiles qui se font massacrer, et on cherche l'inventivité au maximum dans ces mises à mort, quoi. Bah, dans le 4, oui, mais dans, à partir du 5, le 7, un peu moins. D'accord. Donc, bah, les ayant pas vus, je peux pas te dire. C'est comment dire... Donc ça se laisse voir, et mais peut-être parce que, je te dirais juste ça se laisse voir, parce que je suis pas non plus un grand fan de Freddy, je sais pas, le personnage m'a jamais vraiment marqué autant, je te dis, dans Men Movies, le personnage envoyé du coin, je me dis, ça, ouais, ça, ça avait l'air d'être top, puis après, quand j'ai vu, il y a que le premier que j'avais trouvé plutôt pas mal et assez inventif, quoi, bon, en général, le premier, il a toujours une aura un petit peu différente, quoi, mais... Tu sens que le 4, déjà, Freddy, dans le premier, était vraiment une menace permanente. Les gosses, ils essayaient de pas dormir, ils avaient des hallucinations, et finalement, ils étaient emportés dans les rêves et mis à mort. Là, tu vois, Freddy, il fait plus dans la gaudriole, même s'il tue. Voilà, il apparaît, c'est presque un personnage comique. C'est-à-dire que tu l'as pas, des fois aussi, tu ne l'attends pas tant pour la mise à mort, pour savoir quelle connerie il va raconter. C'est ça, il y a voilà. Plutôt le côté grand guignol dans celui-là, comme le coup de la pizza géante, là, c'est... Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu dommage. Et surtout, oui, il a un côté grand gueule. En fait, il se rapproche pendant un moment. Il y avait eu une série sur M6 où tu avais Freddy. Ouais, les cauchemars de Bonne Nuit. Voilà. Et donc, mais Freddy faisait juste une apparition. C'est-à-dire qu'il apparaissait pas dans la série. Il était juste le présentateur, un peu comme le... C'était une sorte de Crypt Keeper, ouais. Voilà, c'est ça. Donc moi ça m'avait déçu parce que cette série à l'époque je l'avais vue, t'avais Freddy qui faisait un beau mot à l'entrée, un bon mot à la sortie, puis au milieu t'avais 20-30 minutes, je crois que c'était de ces ordres là. Oui c'est ça. D'une histoire qui était souvent très, très naze quoi. Donc, oui c'était pas top. Hein. Non c'était pas top du tout et c'était un petit peu mentir sur la marchandise, c'est-à-dire Freddy apparaissait, tu pensais avoir Freddy en série télé et en fait... Voilà, il faisait juste un bon mot, etc. C'était pas fou. Et celui-là, bon, il est honnête, mais je l'ai bien aimé parce que malgré tout, Rémy Harlin, il montre une belle efficacité. Quoi. Comme je t'ai dit, s'il n'a pas eu de scénario, qu'il l'a complété, c'est honnête parce que faire un film sans scénario, ça doit être l'enfer à gérer. Tu sais pas comment gérer ton planning sur le plateau, comment tu continues l'histoire, tu peux peut-être essayer de filmer des bouts par-ci par-là et puis à la fin tu essayes de tout rattraper au montage. Enfin, bah c'est ça, il y a une scène d'ailleurs comme ça qui est assez emblématique dans ce Freddy là, c'est la mort du frangin karatéka. Oui. À la base ils avaient prévu tout un truc complètement ouf, et, sauf que quelques jours avant le tournage ils disent ouais mais t'as plus le budget là. Ah. C'est dommage. Et voilà. T'as plus Englund parce que là il a fini son contrat, donc Englund il est plus là. Ah. Bon on va faire un combat avec un Freddy invisible alors. Ok. Ça, voilà comment quand on est à bricoler ça, voilà, quand on arrive à bricoler ça, c'est qu'il y a eu un gros gros problème quoi. Ah, ils avaient prévu une scène complètement folle et non, t'as plus le budget. Ah merde. Ben oui, ouais, donc voilà, donc c'est un film honnête, mais c'est pas facile de l'évaluer non plus. Comme je dis, moi mon autre vision, c'était Sort de la nuit, que j'avais trouvé pas mal, mais j'en ai plutôt un souvenir flou. Et le premier, bah le premier, c'est difficile souvent d'égaler le premier, quoi. La plupart du temps, ça suit souvent une pente descendante. Hein. Le deuxième ouais. Est un petit peu moins bien. Des fois, t'as des petits sursauts avec quelques bonnes scènes dans un film, mais ça descend. Mais celui-là était plutôt sympathique à regarder et assez bien tourné. Voilà, ouais, c'est ce que je pense. Il y a des plans, il y a quand même du décor. J'aime bien, en fait, j'aime bien toutes les apparitions dans la chaufferie de Freddy. J'aime bien la maison et la chaufferie. Puis il y avait des effets miroirs dans la maison. Quoi que fasse Freddy, il t'attrape dans tes rêves, il te ramène toujours dans sa maison. J'aime assez le concept, quoi. Voilà, c'est. Ça me donnera peut-être envie de regarder, peut-être de me tenter le 2 et le 3. Juste pour, alors, si tu as aimé le 4, accrocher les... le 2, pour non, accrocher le 3, wagons. Oui. D'accord. En fait, le 2 est un petit peu à part, plus que dans la mythologie, même dans la narration, le 2 il part sur autre chose. Freddy possède quelqu'un, en fait, dans le 2. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas aussi fou que le reste. Après, 3, 4, 5, ils suivent. C'est un petit peu comme Halloween 3 qui suit pas du tout le 2 et le premier, quoi. Ouais, peut-être. Voilà, pour le coup, enfin, Halloween, dans l'esprit, le 3, quoi. Ouais. Bah, c'est la nuit du sorcier, en fait. Jazz, ah, bah oui, je suis con, bah oui, ça, excuse-moi, j'y étais plus là. Bah oui, la nuit du sorcier. Oui, effectivement. Voilà, non, là, ce serait hein, plutôt dans l'esprit que Jason va en enfer, où t'as Jason qui possède les corps au fur et à mesure. Voilà, donc c'était pas. Faudrait peut-être que j'essaye les autres, histoire de me faire vraiment une idée. Bah, si t'as bien aimé le 4, c'est vrai qu'il y a une trilogie, c'est 3, 4, 5, puisque le 4, il reprend des personnages du 3, et dans le 5, ça reste Lisa qui est encore l'héroïne. D'accord. Donc ces 3-là ont une cohérence, et moi je trouve qu'ils marchent bien, ces 3-là sont vraiment dingues au niveau visuel. D'accord. Le 1 est plutôt sage au final. D'accord, bah, je vais peut-être le tenter parce que. Ah, moi je te conseille. Je suis pas à la base un fan de Freddy dans moi dans non style plus. Boogeyman. Jason, j'aime bien le côté mongolo complètement décomplexé, c'est-à-dire des adolescents vraiment idiots, mais on y va. Ils sont passés à fond dans le nawak. Et ça cesse de regarder. Moi, je me rappelle de la mise à mort de la fille qui se fait emplafonner dans sa caravane. T'as son empreinte qui se dessine de l'autre côté. Ça m'avait bien fait rire. Bah ouais. Bon, Jason, il fait ça à la machette. Donc en général, c'est bien sanglant, bien. Voilà, c'est bien violent. Et puis Jason, il n'y a pas le rombage autour. Il raconte pas de conneries. Il parle pas. Bah, il avance. Et puis il te massacre. Voilà. Et puis c'est bien ça. Sûr, Michael Myers. Hein, bon, John Carpenter, hein, qui nous a fait quand même bien flipper. Hein. Sur que, le premier, oui, mais pas... Michael Myers, je suis plus réservé, parce que le premier, d'accord, H20, ok, et après, j'ai un peu du mal. Ben moi, j'ai bien aimé le dernier en date. Enfin, oui, j'ai bien... Mais c'est peut-être parce que j'étais content de revoir Jimmy Lee Curtis, etc. C'est vrai que je ne l'ai pas vu, moi, le dernier, alors pour l'instant, je ne me prononcerai pas. Donc, et puis H20, il m'avait plu. Bon, on va éviter le 2, lointain souvenir. Bon, c'était vraiment un remake du premier, mais ça se passe dans un hôpital. Le 3 est sympa en fait aussi. Pas malhonnête du tout. Par contre, celui où. Comment ça s'appelle ? Il y en a un qui m'avait un petit peu choqué. Ah, oui, celui avec le rappeur qui fait du kung-fu. Voilà, le rappeur qui fait du kung-fu, c'est le truc qui te mate tout de suite. Quoi. Tu te dis, mon Dieu. Mais que bah ça, ça et Jamie Lee Curtis qui meurt dans les 5 premières minutes. Ça, tu t'es dit putain, c'est quoi ce film? Ouais, c'est. Bon, après, ils s'en basent pas de ça trop longtemps. Hein. Ils te la font revenir en disant bon, bah, on efface tout et on recommence. Quoi. Bon, bah, si tu veux, hein, mais. C'est pas très honnête. C'est ce qu'ils ont fait à chaque film de Freddy. C'est bon, il va revenir de toute façon. Bon, bah, ok. Bah, oui. Bien. Freddy revient toujours. Quoi. Je suis comme toi, je suis pas un gros fan de Freddy. Moi, je me suis refait les 7 là, en une semaine et demie. J'avais envie de les voir pour me dire, est-ce que vraiment je suis pas fan de Freddy juste parce que j'aime pas trop Craven et tout, ou juste parce que ça me gonfle. Bon, c'est mieux que ce que je me souvenais, mais ça reste, oh, c'est trop bavard, c'est bien rythmé, mais c'est trop dans la blague. J'aime bien quand c'est bien dingue comme 3, 4, 5, où là vraiment t'es dans des mises à mort qui sont complètement, bah tu verras ça dans aucun autre film. Ouais. Genre là, bah dans le 4, c'est le cafard, moi qui m'a marqué la scène avec la nana qui se transforme en cafard. C'est ouais, dingue, c'est comment craqueux. C'est fait, putain, c'est bien fichu, ça. Ah non, mais justement, pour un... Bon, ils ont c'est toi qui me dis qu'ils ont plutôt un bon budget, mais sans scénar, ils ont réussi quand même à faire quelque chose de plutôt propre, hein, soyons honnêtes. Hein, c'est... Ah bah oui, bah, je pense que c'est aussi la force de Rennie Harlin. Hein. Ouais, les effets spéciaux tiennent vraiment la route, quoi. Quand tu regardes, par exemple, le premier, il y a certains effets qui font carton-pâte, limite Tim Burton. Freddy avec les bras qui s'allongent dans le premier, on dirait Beetlejuice. Voilà, voilà, exactement. C'est à ça que tu penses forcément, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, quoi. Les effets spéciaux m'ont bien marqué dans celui-là. Donc pour ceux qui, bon, il y a plein de fans de Freddy, quoi. Mais je pense que celui-là, j'ai lu qu'il avait plutôt une bonne cote. Hein, il était plutôt aimé, y compris par Robert Englund lui-même. Donc c'est pas mal. Voilà, oui, non, celui-là est sympathique. Je le conseille sans aucun problème. Ouais, moi d'ailleurs, je conseillerais même tous les Freddy qui peuvent se regarder assez facilement, à part le 6 qui est un peu chiant et le remake qu'il faut fuir. Ah, le remake, j'ai trop entendu du mal dessus pour tenter le coup, quoi. C'est pareil, je me suis refait dans l'esprit de me dire, allez, peut-être que je me suis fait une fausse idée, et puis au bout d'une demi-heure, ah non, en fait, c'est de la merde. Ben oui, voilà. Donc, parce que, Si je devais aussi parler de Freddy, je dirais que quand même, il y a une je regrette, ah bon, après le temps passe, hein, qu'est-ce que tu veux y faire, mais je regrette cette époque, ces années 80, où tu as plein de trucs comme ça qui sont sortis avec des effets spéciaux bricolés, mais extrêmement. Bien chiadé quand même, bien bien chiadé. Voilà, voilà, avec il y avait une patte, il y avait quelque chose, quoi, où on a sorti plein de films qui visuellement étaient complètement fous. Avec souvent pas énormément d'argent, mais t'avais des effets spéciaux assez, assez classieux. T'avais, ouais, t'avais des artistes du SFX, quoi. Ouais, t'avais des comment dire, des gens qui ont tenté de lancer des franchises, alors que maintenant, bon, je vais peut-être faire mon vieux con, mais on reprend des franchises, on remake à outrance, et puis maintenant, ben, on fait tout en numérique, et jouer avec le numérique, ça a beau être calculé avec des ordinateurs puissants, avec des artistes plutôt compétents, hein, faut l'admettre. Oui. Il suffit d'un rien pour que tout de suite ça pète au visage que c'est faux. C'est ça. Voilà. C'est... Alors que maintenant, je trouve qu'il y a d'autres artistes qui mixent les deux. C'est-à-dire qu'il y a de l'effet physique en plateau qui est rehaussé avec par du numérique. Numérique. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne approche parce que tu vois plein de films comme ça, c'est. Comment dire, ça a tout de suite un autre effet. Et tu sens que les acteurs, ils ont quelque chose en face d'eux. Bah, le premier Jurassic Park, c'était ça. Hein. Ben voilà, voilà, il y a plein de films comme ça. Comment ça s'appelle? Le labyrinthe de Pan. Mmh. Voilà, le faune, par exemple, il n'est pas créé en image de synthèse ou une animatro. Et c'est un mec. C'est un mec dans un costume. Des échasses. Et puis, bah, pour ses jambes déformées, en fait, certaines parties sont c'est du bleu, elles ont été effacées ou du bleu ou du vert, et ça a été effacé en post-production pour cacher. Mais ça donne un effet, un rendu à la pellicule qui est absolument fou, quoi. Ça. Ah, il est magnifique. Il faudrait presque faire un jour un podcast uniquement sur ce film, tellement il est magnifique dans la catégorie film d'horreur. Bon, là, on est chez Freddy, hein, on est plus dans le terre-à-terre. Dans le, ouais, voilà. C'est vrai encore. Freddy, on est dans l'onirique aussi, finalement, mais pas le même genre. C'est moins beau. C'est plus bas de gamme, c'est de l'onirique Lidl, quoi. J'ai pas pleuré à la fin de Freddy, par exemple. Oui. Ah, toi, t'as pleuré à la fin de... Le labyrinthe voilà. De Pan, ouais, toutes les larmes de mon corps. Ah, moi, j'ai eu une crise d'asthme. C'était pas des larmes. C'était... Ah oui, pardon, c'est pas la même chose. Ouais, ça devait être ça aussi. Les pollens, ouais. Tout ça. Non, pas ouais. Déconner non plus. On est des bonhommes, hein. C'est ça. Non, mais je pensais, voilà. Tiens, je vais encore en reparler, mais Willy's Wonderland, par exemple, t'as beaucoup d'effets en dur. T'as quasiment oui. Pas de numérique à part les putains d'étincelles. Et là, tu dis, bah non, ça marche pas. Tu comprends pas pourquoi. C'est... En plus, faire des étincelles, c'est pas. C'est non, pas puis au pire, il y aurait pas d'étincelles, c'était pas grave. Bah oui. Et non, tu te dis, pourquoi t'as fait quoi. Ça, mec. Ça et les lens flares. Mais bon, les lens flares, on va dire, c'est un effet de style qui marche pas, mais c'est un effet de style. Ouais, mais c'est un effet de style qui a été lancé par. Par Star Trek. Ouais, J.J. Abrams, ça, putain, c'est lens flare. Tu dis, putain, mais arrête, règle ta caméra, règle ton éclairage, mais arrête voilà. Ça, c'est fatigant, c'est fatigant. Et dans Star Trek, ça s'explique, dans Willy Wonderland, moins. Oui, mais c'est bizarre, cet amour et pour Willy Wonderland, quand même, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais j'ai vraiment pris un pied pas possible avec ce film, ça n'a rien à voir avec Freddy, mais putain, je me suis éclaté. Ouais, c'est étonnant. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé. À Freddy. Oui, j'allais dire, j'ai justement trouvé quelques similitudes aussi avec Freddy. C'est qu'en fait, ça reste des films qui durent, que ce soit tous les Freddy, 1h30, 1h35, 40, grand max. Ouais, ça et c'est avec vrai, un rythme de dingue dedans. Enfin, un rythme de dingue. Ouais. J'ai revu des fois des films des années 80, enfin, j'en vois assez régulièrement. Mais à part certains, qui ont vraiment déjà un rythme assez enlevé, c'est plan-plan. Même le premier Freddy, ben, c'est oui. Assez plan-plan. Mais là, quand tu regardes les Freddy à partir du 3, 4, 5, 7, t'as un rythme dedans qui est vachement soutenu. Tu t'ennuies jamais. Alors même si le film est bof, tu te laisses emporter, ça se regarde tout seul. C'est ça, ça te tire en haleine. Le problème en fait, c'est que j'ai l'impression qu'à l'époque, ils essayaient aussi de tenir les 90 minutes pile pour maximiser le nombre de séances. Je pense qu'il y avait une volonté économique de faire ça. Oui, c'est sûr. Après, il y a eu le développement de la cassette, de la VOD, etc. etc. ce qui a permis de faire, alors c'est une théorie, hein, des films un peu plus longs. Le problème, c'est que des fois, les mecs se lâchent un peu trop et en fait, ils ont perdu... Le fait qu'ils soient obligés de se cutter un peu, ça les obligeait à être efficaces. Maintenant, les mecs, ils peuvent se laisser aller à faire 2h30. Bah tiens, je ne l'ai pas encore vu, mais par exemple, j'ai vu que Army of the Dead... Il prend cher. Fait 2h30, quoi. Je me dis, putain, 2h30 avec des omblards, quoi. Ça oui, me semble long, quoi. Faut pas être étonné. Tous les films de Snyder, ils font plus de 2h30, quasiment. Ouais, mais justement... Mais par exemple, comme un film... Moi, j'ai beaucoup aimé le Snyder's Cut de Justice League. Mais Conner, il était emmené, enfin, il y avait quand même un bon rythme, l'histoire méritait d'être déployée comme ça sur 4 heures. Par contre, une attaque de zombies à Vegas, je sais pas, 2 h 30, ça me semble. Je sais pas, Or, j'ai pas encore vu le film, donc je parle juste comme ça, mais tu vois, il y a beaucoup de mecs qui ont, au bout d'un moment, ils ont commencé à faire leur film d'1 h 30, après 1 h 45, et puis pendant un moment, t'as une grande période de film de 2 heures, puis il y en a qui te tapent les 2 h 15, 2 h 30, voire qui te claquent les 3 heures, tu dis, putain, mais. C'est le syndrome Titanic, quoi. Au bout d'un moment, Titanic, encore, tu peux comprendre, quoi. Bah même Le Seigneur des Anneaux, tu peux comprendre, mais ça reste des exceptions. Normalement, tous les films ne doivent pas faire 3 heures. Même un film bien comme Tango et Cash, tu le mets sur 3 heures, tu t'emmerdes. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Ça me manque. Voilà, les mecs se font plaisir. Je pense qu'ils ne cutent pas assez. Ou... Je Ah, sais pas. ils aiment se regarder filmer, je crois. Ben oui, et c'est un petit peu dommage parce que des fois, on perd en côté percutant, quoi. Voilà. Et ça, c'est l'atout des Freddy, c'est justement ce côté percutant, je trouve. Parce que même y a des Vendredi 13 ou des Halloween, je crois que c'est le 5 ou le 6, qui sont un peu longués, tu vois, c'est mou. Alors que dans les Oui. Freddy, tu as très peu de baisses de rythme selon les épisodes. Ils sont plus ou moins intéressants, mais le rythme est toujours là. C'est ça, tout à fait. Donc, les Freddy, c'est vrai qu'ils sont bien marketés. Ils ont leurs 90 minutes, peu de choses près. Hein, je crois que c'est ça. Bah oui, tu vois, le Freddy 5, par exemple, je regarde, 89 minutes. Ouais. Voilà. Hein, Freddy 4, 99 quand même. Tu vois, ils ont un Oh, petit peu mais attends, poussé. je crois que le 4, il a un quart d'heure de générique. D'accord. Ok. T'as la revanche de Freddy, 96 minutes. Voilà, comme tu disais, on tourne aux alentours de 90 minutes tout le Voilà. temps. Donc c'est bien, c'est bien. Ah, je trouve que c'est Mais... très bien, moi, ça. Et puis moi, je dois avouer que le soir, en général, je fatigue et je regarde le truc. Si ça fait 1 h 30, c'est bon. Si ça fait 2 heures, je commence à me dire, je vais peut-être pas voir la fin. Et plus de 2 heures, lui, c'est sûr, je vais pas voir la fin. C'est ça. C'est le Non, syndrome fatigué, fin de journée, c'est mort. ouais, en plus des fois tu mets déjà 1 heure à trouver le film que tu veux mater, donc faut pas pousser trop loin quoi, donc M'en parle et pas. t'arrives pas au bout quoi. Voilà, donc c'est plutôt c'est mon approche de Freddy quoi, un film plutôt sympa et qui m'a quand même donné envie d'en essayer d'autres quoi, avec tous les risques que ça implique. Que ça Voilà. implique, oui, bah ça. Bah après, normalement, tu n'auras pas l'impression de perdre ton temps avec les autres, je pense. Non, c'est sûr, À c'est part sûr. peut-être le 6 qui dit, bon, voilà. Ouais. Il Ben. t'efface une partie de la mythologie, il change des trucs dans le. Bon, ça fait un peu bizarre le 6, mais bon. Ouais. Qu'est-ce qui. Attends, je me rappelle maintenant. Il y avait pas un. C'était quel Freddy qui était tourné où la fin était en 3D? Freddy 6. Justement. C'est Freddy. Eh ben, tu vois, je l'ai vu au cinéma, il m'a laissé aucun souvenir. Non, et en plus, visuellement, ce Freddy 6 est assez moche. Hein. Il a vraiment des allures de DTV. Ouais, pas Voilà, bas tu de vois. gamme, hein, parce que c'est pas du bas de gamme. Il avait des allures de vidéo par rapport à tous les autres. Bah, le 5 est C'est magnifique d'un ça. point de vue visuel. Et le 6, moi, je l'ai Je l'ai enchaîné. vu en Waouh! salle. Hein. Je l'ai vu en salle. Il nous avait distribué les lunettes. Bah ouais, tout le final, tout le climax final est en 3D. Avec des Ouais, et vis ben. qui tombent et qui font du bruit, enfin tout genre de choses. Eh ben, m'a rien laissé. Aucun souvenir. Que dalle. C'est normal. Ben, tu vois. Voilà. Ben, je redécouvre. Tu vois, ta mémoire, d'un coup, elle se rattrape et elle te dit, oula, mais tu te rappelles que tu avais regardé ça? Donc, Bah, ben non. c'est comme moi quand j'ai revu le début de Freddy 4, je me suis dit, putain, le chien qui pisse sur la tombe, ça me dit quelque chose. Et j'ai vérifié, oui, je l'ai vu sur Canal+, il y a une vingtaine d'années. Là, tu vois, il y a quelques scènes qui marquent et puis elles te ressurgissent, il y a une te gifler comme ça. Hein. Voilà. Donc c'est mon avis sur Freddy. Je sais pas. Est-ce que tu as une autre question pour moi? Bon, écoute, Un autre ressenti peut-être? Quoi que ce soit? non, mon ressenti était que le 4 était aussi plutôt sympathique, il manquait un petit peu d'un scénario. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une succession de sketchs un petit peu décousus, mais en dehors de ça, je l'ai trouvé plutôt fun avec un bon body count et des scènes folles, que ce soit le cafard ou la casse au début avec le plan qui s'éloigne pour Ouais. nous monter une terre façon Mad Max dans une casse automobile, que j'ai trouvé assez C'est drôle. ça. Et je Oui, trouvais il y a un peu plein. dommage que ce soit pas un petit peu plus utilisé, tellement c'était assez visuellement attrayant, quoi. Hein, il y a plein de plans qui sont assez fous visuellement de la part d'Arline. Hein, franchement, tu le remarques, quoi. C'est C'est pas ça. trop clipesque, c'est pas clinquant, mais ça te Non. marque la rétine. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est pas trop clinquant, mais c'est inventif et il y a plein de bons points dessus. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on est bon pour Freddy 4. Nous, on va pouvoir continuer après. Comment dire, en présentiel demain, quand on va enregistrer. Bah oui. Du coup, ce sera intégré directement au cut final. D'accord. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas de nous avoir partagé ton ressenti sur Freddy. Nous, on va en discuter après avec les autres. Et puis voilà. Bah écoute, on se revoit une prochaine fois, peut-être chez les Berserkers ou peut-être ici. On va peut-être le faire, le Bioshock finalement. Oui, il faudrait qu'on le fasse un jour. Quoi. Mais depuis que le gars, tu sais, tu m'avais envoyé. Ouais, depuis Calte 236 est passé dessus, je me sens minable. Ah là là. Oui, moi aussi, j'en ai regardé une partie et en fait, j'ai pas tout vu. Je me suis dit, purée, si je regarde ce qu'il a fait, la prochaine fois que je vais en parler, je vais tout recopier, ça va être une honte intégrale. Quoi. Donc je me suis dit, le mec, il a tellement fait. Mais il a vraiment tellement fait un boulot. Mais phénoménal, c'est franchement c'est du grand art. Hein. Moi, je tire mon chapeau, je m'incline à bas, je me mets à genoux, je lui lèche les pieds, tout ce que tu veux, quoi. Impressionnant, vraiment très impressionnant. Et dans cette même catégorie, d'ailleurs, il a fait une mythologie sur Freddy qui est conseillée à tout le monde, qui est vachement bien sur les différents niveaux du rêve et tout, c'est vachement bien. Eh ben, faudrait que j'aille un jour, j'aurai du temps. J'essaierai d'aller voir. Toujours le même problème. Le temps. Voilà. Le temps. Ouais. Mais en tout cas. Merci de m'avoir invité. Et ben de rien, merci d'être venu, d'avoir pris un peu de ton temps justement pour nous parler de Freddy 4. Bisous à tous ceux qui seront autour de la table avec toi. Hein, ça voilà. Marche, on n'y manquera pas, je leur ferai passer. D'accord, à plus. À plus, ciao. Salut. Après, est-ce que vous l'avez vu le 4 du coup? Oui. Oui, tu peux peut-être me rafraîchir la mémoire. C'est pas avec les insectes là qui meurent? Il y a le cafard. Ah, ouais. Là, c'est bon. La scène choc, c'est le cafard. C'est non, c'est le 5? Non, c'est le 4, le cafard. Bref. Moi, j'ai moyen aimé en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de scénario. Les scènes sont plutôt pas mal, mais t'as l'impression d'un enchaînement de séquences. Et en fait, il n'y a pas eu de scénario. Effectivement, il y avait une grève de scénaristes. Rémi Harlin arrive au moment en disant ouais, je vous fais le scénario, je vous fais les dialogues, je fais ce qu'il faut. Il avait vraiment envie de faire le film. Donc ça fait le taf, mais on sent qu'il manque quelque chose, quoi. Ah, c'est comme Michael Bay. Par contre, il y a un body count de malade dans le 4. Hein. Ils en dégomment. Et il y a la scène de la nana qui se transforme en cafard. Ouais, c'est bien, bien dégueulasse. Ça, et la pizza géante, qui est un peu crado aussi. Bah du coup, c'est pas dans celui-là, on retrouve Alice qui peut s'introduire dans les rêves, là. Si, dans celui-là, on retrouve Christy au début, qui finit par mourir assez vite. Et après, oui, il y a Alice qui apparaît dans celui-là. Alice et son frère. Ah oui, parce que... Je me mélange avec tous les films. Mais, et du coup, Alice, on la retrouve dans le 5, après, effectivement. C'est ça. Enceinte. C'est ça. Mais du coup, c'était dans le 4 aussi qu'en gros, dès qu'il y a un mort, elle s'approprie les capacités ouais, de quelqu'un. C'est ça. Voilà, et c'est ça, c'est marrant, c'est pas dit, c'est à la fin que tu t'en rends compte, mais c'est pas dit. Mais pareil, oui, moi, je trouve ça, je trouve ça un peu... pas facile, mais c'est pas intéressant, quoi. Et encore, on s'éloigne encore du principe c'est ça, de base. Et puis à la fin, c'est Rambo, là, nana. Ah oui, si, parce ça. Que son frère était fait très du fort karaté. Aux arts martiaux. Ah oui, mais ça change toute la capacité. Cette scène. Ah oui, mais en plus, la scène oui, du Freddy Invisible est nulle, mais à la base, Rémi Harlin avait prévu une scène de ouf, et on dit, ouais, mais t'as plus de budget. Ah merde. Et Robert, il a fini son contrat aussi. Oh merde. Bon, bah on va faire un combat avec Freddy Invisible. La scène, elle est un peu naze. Non, le 4 aussi, il était pété. Ouais, le 4, il est un peu pété. Dommage, c'est Rémi Harlin, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien, mais par contre, les scènes sont cool, hein. Les scènes en elles-mêmes sont cool, mais ça manque un petit peu d'un scénario. Et toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas. Ouais, mais remarque, c'est vrai. Moi, c'est honnête, on a le fond de ta pensée. Non, ça me donne pas envie, moi, les autres. Non. Avec le 2, qui est... Ouais, le 2, ça t'a parlé. Hein. Déjà, tu fais, bon, si, faut continuer comme ça, d'ici prochain, ou je sais pas combien. Non. En général, quand t'as, même ces derniers temps, quand t'as des... 7, 8 trucs sur en général, ça s'essouffle. Hein. Ça va dans tous les sens. Tu dis, il y a une meuf qui se transforme en cafard. 6 ou 7, je sais plus, j'avais bien aimé. Ça devient un peu. Ça partait d'un bon truc. Avec le frère Estatam et l'autre après Estatam. D'une bonne base, et c'est vrai que ça part en. Même le truc là, Dream Mush là. Dream Warrior. C'est ridicule. Oui, il y a un côté, c'est justement. T'as perdu ton homme d'enfant. Oui, mais il y a un côté, plus du tout rattaché à la réalité, justement, mais ça part trop, quoi. C'est le concept de Freddy, c'est pas attaché à la réalité, c'est rattaché. Oui, mais justement, il y a une idée, quand même, à la base, qui est assez. Ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, ça part dans tous les sens. Bah ouais, mais là, au moins, c'est ça qui est bon. Il y a plus de limite, quoi. Dans Freddy. Ouais, mais bon, voilà, la base, c'est des bons meurtres bien sanglants, quoi, merde. Ah bah, c'est plutôt. Un bon psychopathe. On a un Dreamcatcher, on est. Non, Dreamcatcher, c'est pas pareil, avec le verre qui rentre dans l'anus, là, non. Mais non, The Thing. Stephen King. The Thing, oui, Dreamcatcher. C'est dans l'oreille. Stephen King. Avec Morgan Freeman, avec ses sourcils qui. Ah, le bon. J'aime bien ses sourcils, ça ressemble à des chenilles. Ouais, bah dans celui-là, c'est des chenilles en pleine mutation. Hein. C'est des chenilles pour la 5G. Justement. En parlant de ça. Avez-vous déjà eu peur? Très peur. Et dites-moi, à quand remonte votre dernière rencontre avec Freddy? Bienvenue dans son nouveau cauchemar. Bienvenue au Pays des Merveilles, Alice. Vous n'auriez pas dû m'enterrer. Je ne suis pas mort. Il est revenu pour nous. Il est le numéro un de la terreur. Surtout ne dormez pas. Ne les laisse pas t'endormir. Il n'a aucune pitié. Il est sans égal. Non ! Tenez-vous prêts. À présent, ne dors plus. Vos pires cauchemars vont devenir réalité. Millions d'Américains sont allés se jeter dans ses griffes. J'aime la chair fraîche, c'est bon. Le cauchemar de Freddy. Tiens, on peut en partir dans des délires complets, mais du coup, ça introduit bien le Freddy 5, je trouve. Et du coup, le 5, c'est pour moi. Donc, dans le 5, on retrouve Alice et son chéri tout nouveau, là, Dan. Enfin, c'était son chéri du 4, mais il est arrivé là, quoi. Ils sont tellement contents d'avoir battu Freddy qu'elle est enceinte. Ils ont bien fêté ça. Et le problème, c'est que Freddy se sert du bébé pour qui dort à peu près 22 heures par jour pour attaquer l'entourage d'Alice par les rêves. Parce que le bébé peut potentiellement... Enfin, le fœtus peut potentiellement rêver. Oui, le fœtus peut potentiellement rêver. En plus, on voit dans des scènes de rêve, de, justement, d'Alice, qu'elle parle à son enfant, et son enfant lui dit « Bah oui, mais il y a le monsieur, là, mon copain, qui vient me parler. » Donc c'est logique, parce que ça dort tout le temps. Bah ouais. Ouais, il y a une certaine logique. Après, pourquoi les rêves du bébé peuvent atteindre les gens qui sont bien plus loin, ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, quand même. Mais bon. Parce qu'il dort beaucoup, bah parce beaucoup. Du coup, ça fait que le bestiau de Freddy peut, entre guillemets, arriver dans la réalité, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce qu'il veut, parce qu'il nourrit le bébé avec les âmes des autres. Et puis, il est beaucoup plus dans le sommeil que quelqu'un Et surtout, Freddy, en fait son copain, il n'attaque pas le bébé, il veut le nourrir pour prendre la place, quoi. Puis, vas-y pour le réveiller, le fœtus. Et c'est vrai que là, t'as beau lui envoyer du café dans le nez... Et du coup, c'est vrai que donc Freddy 5 a été réalisé par, je disais tout à l'heure, Stephen Hopkins, qui est le réalisateur de Predator 2. Qui pour le coup, moi, j'aime beaucoup Predator 2. Moi aussi. Ça a été aussi un réalisateur de Contes de la Crypte. Il y en a fait un ou deux qui sont très bons. Et c'est lui qui a lancé la série 24 heures chrono, aussi. D'accord. Voilà, donc c'est un mec qui a quand même un CV qui est pas dégueulasse. Qui s'est un peu fait bananer parce que Predator 2 et Freddy 5 n'ont pas marché. Il n'a pas marché, Predator 2 ? Pas tellement, non. Bah même encore, jusqu'à temps qu'il y en ait des plus mauvais, tout le monde disait que Predator 2 c'était le plus mauvais des deux, mais bon. Bah oui, c'était pas dur. Voilà, quand t'as Predator en face, ça fait mal. Bon, maintenant ça va, il y en a eu un avec Adrien Brody qui est bien naze. Ouais, il est resté au piano celui-là. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais oui, donc on va revenir à Freddy. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé de Freddy 5, c'est qu'il est dingue dans tous les sens du terme. le fait que Freddy veuille pervertir le fœtus pour prendre sa place, déjà, ça va assez loin. Le fait que la mère puisse parler avec son enfant dans ses rêves pour combattre Freddy, ça va aussi assez loin. Et les quelques meurtres qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le 5, il y en a peut-être que 3 ou 4, mais à chaque fois, c'est des trucs de dingue. Et puis, en tout cas, ils sont beaucoup plus soft. Ouais. Dans le sens où bah, ça pisse pas autant le sang. Ah oui, ça pisse pas le sang, mais par contre, le mec, il se transforme dans sa moto où tous les tubes lui rentrent dans la peau et... C'est quand même. Ouais. Ça doit faire. Bah, ça fait un petit effet film tentaculaire un peu japonisant sur les bras, un peu cracra, ouais. Transformation à l'animation. Ouais, moi ça me fait penser à Tetsuo, qui est un peu particulier aussi dans le genre. Ou à De la Mort, De la Morte aussi, où on a un motard comme ça qui sort de sa tombe. Et après, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme mort. Il y a la mort en comics, en comic book aussi, qui est vachement bien faite. Ça c'était chouette. Qui est très très agréable à regarder, qui est visuellement. Qui pète bien à l'œil, qui flatte la rétine. Donc pas beaucoup de morts, mais à chaque fois, là c'est imaginatif. Bon, Freddy commence à être un peu beaucoup bavard. Punchline à Google. Ouais, plus que Punchline, vraiment, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Bah, c'est tout le film en fait qui est ultra cartoon, quoi. Même quand on se rend compte qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo. Enfin, comme, ça, c'est le 6, les jeux vidéo. Non. Ah si. Non. Ah, ok, si. Je ferme ma bouche. Ouais. C'est si, les T'es jeux sûr vidéo. Ah ouais. Ah ouais, le 6, il est bien aillé. D'ailleurs, la mort jeu vidéo, ouais, elle est bien dégueulasse. Ah, ah bah oui, mais elle a le mérite de les avoir tous vus. Mais si elle fait comme moi, qu'elle se les tous bouffer en même temps, au bout d'un moment, on se mélange. Hein. Un peu, ouais. Bah, c'est-à-dire que les 3 premiers en une soirée, les 2 autres d'après, et puis bah, le restant après. Les 3 premiers en une soirée. Bah, le 6, je m'en souviens, parce que j'avais vraiment pas aimé, mais bon. C'est chaud, quand même. C'était la guerre froide à la maison, du coup, j'ai regardé la télé. Ah ouais, bah c'est pas mal. La guerre froide Compréhensible. J'ai lutté pour en voir un, quoi. Déjà, le... Non, moi, j'ai réussi à tous les voir, même... Un, c'est compliqué. J'en ai vu aucun. Mais là, ouais. Jamais. Mais si, mais il les a vus, mais pas là, pas cette semaine, quoi. J'ai pas eu... Ouais, 3, c'est chaud. Mais non, le 5 a quand même des bonnes scènes, les morts sont bien foutus. Et là, le final est vraiment sympa, avec la mère de Freddy qui revient le chercher. Ça fait assez, enfin ça fait rire, ça fait Freddy fait vraiment gamin à ce moment-là, il se barre en disant mais casse-toi connasse, non je veux pas y aller, c'est exactement ça, tu t'attends à ce qu'elle le chope par l'oreille et qu'elle y aille, et du coup jusque là moi j'aimais bien les Freddy jusqu'au 5. Après là, ouais, après il y a le 6. Bah, le 6 du coup c'est Raph qui va en parler en distanciel, hein. Street Part 5, The Dream Child. Allez, et maintenant c'est au tour de Raphaël qui va nous parler de Freddy 6. Si je ne me trompe pas, c'est la fin de Freddy. Qu'est-ce que t'en as pensé, Raph ? Alors, Freddy 6, la fin de Freddy ou l'ultime cauchemar ? Ah voilà, l'ultime cauchemar, j'y étais presque. Donc c'est, comme son nom l'indique, le tout dernier épisode de la saga originelle. Qui suit les adolescents de Springwood et d'Elm Street qui se font désinguer par Freddy. Alors, sorti en 89 et réalisé par Rachel Talalay, réalisatrice de séries télé particulièrement, et qui avait œuvré sur les Freddy précédents à des différents postes, en prod notamment. Donc, qui n'a de connu que bah, Robert Englund, hein, forcément toujours Freddy. Hein. Mais qu'on voit plusieurs fois dans le film où retrace la jeunesse de Freddy quand il était humain et non monstre. Donc on le voit plusieurs fois avec sa tête d'acteur, quoi. Et qui a quand même, à défaut d'acteurs connus ou qui ont fait quoi que ce soit d'intéressant par la suite, le mérite d'avoir deux caméos d'Alice Cooper et de Johnny Depp, qui revient, que je n'avais même pas reconnu en regardant le film. Tellement bah, il était jeune, le film est vieux, et je l'avais pas calculé, et qu'on voit bien et tout. Bon, c'est au moins le petit truc sympa. Alors, ce que j'ai pensé de ce Freddy, bah écoute, quand t'as proposé qu'on fasse les Freddy, c'est marrant, parce qu'il y a un peu plus d'un an, je m'étais dit, tiens, je vais me faire tous les Freddy, je les connais pas tous, je vais me faire toute la saga. J'ai pas réussi à tenir, tellement... Ah putain, moi je les ai tous faits. Franchement, j'ai eu tellement de mal. Bon, le 1 est trop cool, mais dès le 2, ça a bloqué avec le mec qui hurle tout le temps. Il hurle, le personnage, il hurle tout le temps. C'est, bon, c'est cartoon, mais c'est moche. Il n'y a que le 3 que j'ai trouvé très cool dans l'hôpital. Ouais, moi j'aime bien 3, 4, 5, moi. J'aime bien le 3, mais alors 4, 5, j'ai pas réussi à les regarder jusqu'au bout. Je les trouve vraiment épouvantables. Très mauvais. Et donc, bah, le 6, vraiment, j'avais beaucoup d'appréhension et je l'ai trouvé vraiment bien, en fait. Je l'ai trouvé très cool. Je trouve que... Bon, je vais d'abord raconter l'histoire. Hein, comme, vas-y. Très rapidement, de toute façon, c'est très rapide. Donc, c'est le dernier... C'est le dernier Freddy. Comme d'habitude, il cherche à revenir d'entre les morts et à désinguer les derniers survivants. Mais là, justement, dans celui-là, il n'y a plus vraiment de survivants de Springwood. Il les a ni de maître des rêves qui ont la capacité à faire le lien entre la réalité et le monde de Freddy. Et on suit en fait un garçon amnésique qui se rappelle pas qui il est ni d'où il vient. D'ailleurs, on comprend pas vraiment. Il vient de Springwood, ça tu le comprends rapidement, mais on sait pas trop qui c'est et on le saura jamais vraiment. C'est surtout qu'en fait, c'est un peu dur de pas spoiler. On suit aussi une jeune femme qui travaille dans un foyer de jeunes mineurs abandonnés. Et qui, elle aussi, fait des cauchemars, et on voit qu'elle a un lien fort avec Freddy, mais on ne sait pas qui c'est. J'en dirai pas plus pour ceux qui vont regarder, parce qu'il y a un twist un minimum intéressant. Et grillé voilà. Assez vite, quand même. Et quoi, tu dis? Le twist, il est un peu grillé assez vite dans le oui, film. Oui, assez vite. Mais bon, vu que c'est le seul truc scénaristiquement qui est intéressant, je ne vais pas le dévoiler. Après l'histoire, bon, bah, c'est un Freddy, hein, c'est un peu plus basique. Je l'ai bien aimé, écoute, parce que je trouve déjà, je trouve que les morts sont intéressantes. Il y a des trucs assez cool, comme le personnage sourd, il y a un vrai travail du son dans cette séquence où le personnage perd son appareil d'audition, voilà exactement, et il n'entend plus rien, c'est assez cool, c'est toute cette séquence-là. Il est on ne peut plus cartoon. Je le trouve vraiment réussi sur cette partie grotesque, sur les vannes de Freddy, sur l'humour. Bon, ça, c'est assez moche, c'est les premiers essais 3D à l'époque, et c'est le premier Freddy à inclure de la 3D, c'est assez vilain. Bah, c'est le seul, hein, du coup. C'est le seul, sûrement, ouais, et c'est... Bon, c'est assez ridicule, mais c'est assez fun avec le recul de regarder ça. Il est bourré de clins d'œil aux anciens Freddy, et il m'a fait vachement penser... à Destination Finale 5, qui faisait le pont avec les autres destinations finales et qui était bourré de clin d'œil aux autres destinations finales, notamment par le générique de fin, ce qui est le cas là dans le Freddy, où on a un générique de fin qui rappelle toutes les morts passées dans les 6 épisodes de cette saga. Générique de fin chanté par Iggy Pop. C'est à noter, hein, mine de rien, il y avait quand même du budget hein, dans ce film. Ouais, quand même. Qui a valu un Razzie Award d'ailleurs à ce Freddy pour la chanson Freddy's Dead d'Iggy Pop. C'est à noter. Ouais. Tu m'aurais pas dit que c'était Iggy Pop, honnêtement, je me serais dit, ouais, le générique était un peu fait, enfin, pas faiblard, mais. Bah, moi, je. Rien d'exceptionnel, quoi. Ouais, je le trouvais un peu ridicule, Freddy's Dead, mais je reconnaissais la voix, j'arrivais pas à mettre le nom, puis c'est à la fin, bah, dans le générique, j'ai dit, ah, putain, c'était Iggy Pop. Ok, carrément. Bah, ouais, écoute, moi, je l'ai trouvé au-dessus du 4 et du 5 pour le coup. Et du 2, qui est pour moi le pire de la saga, c'est le 2, voilà, clairement. Horrible. Je le trouvais épouvantable celui-là. Mais je l'ai trouvé sympa. Et le truc, c'est qu'il a pas du tout, enfin, pas vraiment de lien avec les autres épisodes. Ils essayent. En dehors de Freddy, ouais. Il n'y a aucun lien, mis à part Freddy lui-même. Donc en fait, c'est le 5, la vraie fin de la saga. Le 6. Il n'a pas vraiment lieu d'être, en fait. Mais ça sent comme si c'est, on va dire, la fin des vieux Freddy où ils ont dit, bon, on n'en fait plus derrière, quoi. Et évidemment, il y en a eu d'autres derrière parce qu'ils ont booté toutes les sagas. Déjà, derrière, il y a eu Freddy sort de la nuit, celui ouais. de West Craven. Il y a quelques années, je crois, d'écart quand même. Hein. Ah oui, il y en a 3 ou 4, ouais. Un peu... Bon, il n'a pas eu, il a eu. C'est un des meilleurs démarrages au box-office, mais après, il n'a pas eu un succès phénoménal non plus. Mais écoute, je trouve que, pour moi, c'est évidemment, ça se réserve aux fans de Freddy et aux fans de vieux slasher, Parce que c'est pas transcendant, mais c'est pas celui qui se regarde le moins bien, et il est assez rigolo. Il est assez rigolo, donc pour les, ouais, pour les grands fans de films d'horreur, de slasher et tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça marche. Bon, moi, de mon point de vue, le 6, c'était le plus faible du lot, moi. Ah, c'est marrant, tiens. Tiens. Moi, j'ai fait le 5, et j'ai beaucoup aimé le 5. J'ai le 6, pas, pour j'ai moi, c'était un peu le plus faible. 4 et 5, j'ai pas réussi à les finir, ça me saoulait, en fait. Je l'ai trouvé, non. Je l'ai, ouais, justement, je l'ai trouvé aussi très faible et pas marrant. Je l'ai trouvé pas marrant, en fait, dans les morts. Freddy, je le trouvais plus ridicule qu'autre chose. Là, dans le 6, il incarne vraiment, pas un côté effrayant, mais un côté décadent, rigolo. Ouais, décadent, rigolo, je suis assez d'accord. Il est vachement dans la vanne et au moins... ça ajoute quelque chose au personnage. Il y a tout y a quand même la mort, tout le passage en jeu vidéo aussi où un des personnages est bloqué dans un jeu vidéo et c'est Freddy qui joue avec son joystick, il le fait jouer. C'est assez fun quand même. Quoi. Moi, je l'ai trouvé ridicule celle-là. Moi, je trouve les idées sont fun. Après, c'est mal foutu. Oui, l'idée est fun, c'est vrai. Mais c'est les années 80. Bah, c'est comme, je parlais du passage avec l'audition du sourd qui entend pas. Il y a des bonnes idées, en fait. Après, bon, il n'y a pas le budget, c'est mal foutu, c'est pas très bien réalisé. Les effets spéciaux sont ratés, mais bon, comme souvent à cette époque. Hein. Mais il y a des bonnes idées. Et le personnage de Freddy, au moins est rigolo, à défaut d'être effrayant. Là où, ouais, dans les autres épisodes, il n'y a que le 3 où je l'avais trouvé pas mal, où il était un peu flippant quand même. Ouais, le 3, pour moi, c'est un sommet des Freddy, le 3. Ouais, je trouve que c'est le meilleur. Le 1 est bien. Le 1, avec le 1, ouais, j'aurais du mal à les comparer. Mais ouais, c'est vraiment là où Freddy fait flipper, quoi. Après, dans les autres, il est juste ridicule en général, il est juste soporifique. Pas marrant. Puis il y a toute cette histoire là de maître des rêves. Ouais, les Dream Warriors. Hein. De pouvoir magique. Bon, c'est un peu chiant. Enfin, j'ai pas accroché à ça dans la saga. Non, ça m'a pas convaincu en fait. Bien. Et alors, la petite question qui fâche pour être parfaitement complet, tu t'es fait Freddy contre Jason et le reboot de Freddy? Le reboot, je l'ai vu plusieurs fois. Mais écoute, je suis moins négatif que les gens. Alors, j'ai pas du tout accroché au masque. Je sais pas pourquoi ils ont redesigné Freddy. Il est vilain. Par contre, bon, au moins, il a le mérite d'être propre. Ce qui est déjà bien vu tous ces Freddy-là qui sont quand même bien, bien moches et bien ratés dans les événements spéciaux. Je crois qu'il réinvente plus ou moins un peu l'historique du personnage. Ouais, plutôt. Parce qu'il y a cette histoire de pédophile qui est plus ou moins claire selon les épisodes. Là, ils appuient un peu là-dessus. Je crois que ce qui était intéressant, mais j'ai peur de me tromper, parce que ça fait longtemps. Dans le reboot, ils nous disent clairement qu'il était pédophile, alors que dans tous les autres, on dit que c'est un tueur d'enfant, et on sous-entend plus ou moins selon les épisodes une pédophilie. Ouais, mais c'est juste sous-entendu. Là, c'est dit clairement dès le début, c'est un pédophile. Alors, c'est dans Freddy contre Jason, non, il me semblait qu'il y a un épisode où ils sous-entendent que les parents sont peut-être plantés, en fait, et que c'est pour ça qu'il revient se venger, qu'il a été... Ça, c'est dans le reboot, ouais. C'est dans le reboot où, même temps qu'on le fait passer pour un pédophile, mais en même temps, on dit que c'était peut-être pas sûr et qu'on l'a peut-être brûlé trop vite, quoi. C'est ça. Ouais, ça, c'est ça qui m'avait marqué. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est le seul où ils font passer, genre, en mode... Bon, en fait, il a une vengeance légitime, cette fois. Peut-être un innocent, et ça apporte un petit peu au personnage, c'est un peu plus compréhensible, parce que qu'il veut se venger, en fait. C'est ça, mais dans les premiers, on nous dit pas qu'il veut se venger, on nous dit qu'il est devenu un monstre et qu'il en profite pour continuer, tout simplement. C'est ça, et du coup, Donc là, ça, j'avais bien aimé dans le reboot, et puis ils avaient bien travaillé sur son antre. Oui, la chaufferie. Ouais, la chaufferie qui était chouette. Après, oui, bon, il n'est pas transcendant, mais il n'est pas plus mal que les autres dans la saga. Quand tu vois l'ensemble de la saga, il est pas mal. Après, Freddy contre Jason, je l'avais vu au cinéma, c'était un gros fantasme. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et ça tenait pas la route du début à la fin, j'en souviens. C'est ça. Quoi. Le pire, c'était le combat entre les deux qui était ridicule. Ça ne fonctionnait pas. Je me sens me mettre plus marré, mais rigoler en mode ça marche pas, et c'est n'importe quoi votre film, quoi. Mais je les ai pas ça. Revus là, je les ai pas encore revus, mais je pense que pourquoi pas un de ces quatre quoi. C'est ouais, vrai. C'est assez. Vas-y, dis. C'est assez frustrant cette saga parce que moi Freddy c'est peut-être mon préféré parce que je trouve le concept génial et ça marche vraiment bien ce côté on sait jamais si le personnage dort ou pas. Tu t'en aperçois au fur et à mesure avec des petits détails selon comment c'est bien fait. Je trouve le concept génial et c'est moi je me rappelle quand le premier Freddy que j'ai vu où j'étais ado, j'ai pas dormi hein, c'était hyper flippant quoi. Le principe, je sais plus lequel j'étais tombé. Je crois que c'est le 5, c'était celui avec... Ah, il m'avait traumatisé avec des visages dans les boules de viande sur une pizza, en fait. C'est le 4. C'est le 4. Bah, tu vois, je ne l'ai pas vu jusqu'au bout, je ne l'ai pas revu jusqu'au bout. Je me rappelle que je n'avais pas mangé de pizza pendant quelques mois. Ouais, c'est un peu dégueulasse, cette scène. C'était dégueulasse, c'était répugnant, quoi. Mais je trouvais le concept, le concept vraiment cool, mais je trouve que c'est... Ouais, il a pas les films qu'il mérite, en fait. Clairement. Là ouais, où clairement, je suis d'accord. Il y a des meilleurs Halloween, il y a des meilleurs Vendredi 13. D'ailleurs, j'ai vu Halloween 2018, il y a pas longtemps, je l'ai trouvé vraiment pas mal pour un reboot. Hein. Ouais, faut que j'essaie d'y jeter un œil. Bah ouais, moi j'en étais resté... Bon, je les ai tous vus, les Halloween, c'est pareil. J'ai pas trop accroché au ceux de Rob Zombie. Je les ai pas trouvés ouf, mais le 2018, ils font le... C'est vraiment cool. Honnêtement, je le conseillerais vraiment bien. Ils refont bien le pont avec le premier et ils font quelque chose d'intéressant au niveau des personnages féminins qui est très tendance dans le cinéma d'horreur et qui est très woman power. En fait, ça fait bien 5-6 ans qu'on voit des films ancrés sur ce sujet, en fait, sur les personnages femmes qui ne sont plus victimes mais qui sont bien badass et c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ils l'ont bien modernisé. Voilà, pour la petite aparté. Bah c'est toujours bon à voir. Bah voilà, écoute, hein, je pense qu'on a fait le tour de Freddy. J'espère un jour voir un Freddy qui déchire vraiment, quoi, qui mérite son personnage, quoi. Ce serait bien, mais vu que Robert Englund commence à se faire vieux, je crois qu'on faut pas trop y compter. Bah, je crois que franchement, un des films cool que j'ai vu avec Robert Englund, c'était le titre va m'échapper. C'était 2000 quelque chose ou 1000. C'est l'histoire de jeunes qui finissent dans un village de Pecno où ils se foutent. Ah, 2000 Maniacs. 2000 Maniacs. Celui-là. Il est trop fort. J'en garde un bon souvenir avec un bon Robert Englund. Ouais. Il est très drôle dans ce film. Et le film est pas mal du tout. Il y a une suite que j'ai pas encore vue, mais le film est vachement bien. Ouais. Il est très gore. Je me suis dit, tiens, bah, j'aimerais voir un Freddy qui fonctionne bien comme ça. Quoi. C'est vrai que ce serait chouette. Voilà, voilà. Oui, ben je te remercie, Raph, de nous avoir parlé de Freddy 6 et de ton rapport avec Freddy. C'était un plaisir. Ça marche. Ouais, ciao. Ciao. C'est celui qui se termine en 3D, normalement. Ah, c'est celui-là qui... Avec Laurence Fishburne qui... Oui. Oui, c'est ça. Bon, en 3D, ouais, faut mettre ses lunettes, quoi, y a rien de spécial. Ça. Non, Bah, c'est là où il y a la mort jeu vidéo dont parlait Loïs, qui est bien, bien, bien con. Ça piquait, je crois, les effets. Les effets 3D, ils piquaient. Dans le 5 aussi. Dans le 5 aussi, les effets spéciaux. Faut mettre ses lunettes. Oh non, le 5, ça glisse. Non. Et le 6, c'est quelle année? 92. Ouais. 92, en France, 92. Ouais. En France, 92. Ouais. Okay. Et 94, je crois, Freddy 7. Un chaque année, quoi. En 10 ans, quoi. En 10 ans, ils ont envoyé 7. Ouais. Ouais. Ça a cartonné, hein. Pour l'époque, ça devait être ça. Pour l'époque, à part le 6 qui a pas marché, je trouve que le 6 a eu une esthétique assez moche. Ça roulait bien. Et franchement, la mort jeu vidéo dans le 6, elle est honteuse, quoi. Tu vois le mec qui saute comme un piqué dans le couloir et qui jette de l'escalier. C'est naze, quoi, c'est... Tu aurais dû censurer, ça. Non, mais l'idée était il serait resté dans le jeu vidéo et tout, ça allait, mais là, tu vois, le mec dans la réalité qui saute contre les murs, tu dis, mais sérieusement bah, ça me fait penser à une scène qui avait été coupée de L'Exorciste et qu'ils ont remis, dans les années 2000, non? Ah oui, l'araignée à l'envers. Quand elle descend les escaliers. Ah ouais, mais non, la scène de L'Exorciste, elle marche. Je me suis marrée, quoi. Oui, tu te marres, mais... Elle était pas dans les... Non, elle était censurée. Elle avait été censurée. Mais ils avaient bien fait, en fait. C'était juste pas beau à voir. C'était juste pas crédible du tout, quoi. C'est ça. Je pensais l'avoir. Mais non, la scène là dans Freddy 6, elle est vraiment. Elle est cartoon. Tu as le mec qui est debout, comme un piqué, puis il saute et il se paye des murs. Puis, ouais, non, puis ouais, tu vois Freddy qui est dans son petit fauteuil, les pieds sur la table basse, avec son petit joystick en train de faire piou, je vais t'avoir. Freddy, c'était innocent, ça marchait à l'époque. Ouais, mais là, c'est le moment où il y a eu les jeux et tout ça qui sortait. C'est pour ça que. Non, mais il était chouette celui-là quand même. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Mais Freddy, voilà, c'était une image, c'était une marque. C'est super goodies, c'est voilà, la tasse. Ouais, là aussi, c'est vraiment celui que j'ai pas aimé. J'ai regardé jusqu'au bout, mais. Non, puis il y a aussi. Au départ, je veux pas trop m'étaler parce que du coup, Raphaël, il va en parler. Mais on a un petit. Je vais pas dire une fin inattendue, mais au départ, on a l'idée. Petit twist avec l'enfant de Freddy. C'est ça. Ouais. Au départ, on se dit, c'est lui son gosse. On voit assez vite qu'elle a une robe, quand même. On voit assez vite que son gosse a une robe. Ouais. Ça casse. Bah écoute, chacun met ce qu'il veut, hein. Fille ou garçon peut porter une robe. C'est Julien, vrai, n'est-ce pas? Les garçons du rose, enfin voilà. Bah, maintenant, de nos jours, oui, on ne distingue plus l'homme et la femme, hein, c'est sûr. Ouais, surtout sous la douche à coup de serviette. Bien sûr, coup de serviette, tout ça. Coup de torchon. Ouais. Il a toujours été différent des autres. Tu n'es qu'un sale maniaque, tu n'es qu'un sale maniaque, tu n'es qu'un sale maniaque. Personne ne l'a jamais compris. Tu es prêt, mon garçon? Tu vas goûter à ma médecine. Ça chatouille. Personne n'a jamais eu d'emprise sur lui. Maman! Approche, ma chérie. Ah. Mais maintenant, c'est un nouveau commencement. Le commencement de la fin pour Freddy. Et dans chaque ville, le cauchemar vous guette. On ne crie pas pendant que l'autobus est en marche. Et maintenant, tu dois aller jusqu'au bout. Je t'aurai, mon petit, et j'aurai ton esprit aussi. Il faut s'en débarrasser par tous les moyens. Je vais vous montrer toute ma puissance. On est en plein cauchemar. Ce sera d'abord moi, et ensuite lui. Vous voulez vivre? Attention! Les enfants sont bizarres de nos jours, on dirait. La fin de Freddy. L'ultime cauchemar. Le frisson est garanti. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Et bah, je. Ouais, pourquoi pas. Du coup, Freddy 7, qu'est-ce qui se passe? Me dit, ouais, chouette, j'ai vu le 6, c'est bon, il est cuit, c'est fini, et putain, il revient. Il revient. Bon. En gros, concrètement, l'idée, elle est top. Je vais résumer ça rapidement. Qu'est-ce qui se passe? En gros, on a notre réalisateur Wes Craven qui veut faire un nouveau film. Du coup, là, chaque personnage. Et dans son propre rôle, donc je veux dire Robert Englund qui interprétait Freddy, il est Robert Englund dans le film, et la même chose pour Heather, Wes Craven et tout ça, ils interprètent leur propre rôle, et là en gros ils expliquent qu'ils aimeraient bien retourner un film de Freddy, mais il se passe des choses bizarres. Il se passe des choses très bizarres. Heather, du coup, qui interprétait Nancy, se fait harceler pas au téléphone, elle s'imagine que c'est un fan qui est pas très net mentalement. Son petit ami, du coup, dans ce film-là, qui est Wes Craven, il va mourir de façon étrange. Il va c'est être... pas Wes Craven, c'est son petit ami. C'est le mec des effets spéciaux, son mec. C'est le mec des effets spéciaux qui, avec la griffe qui marche pas. Ouais. Je te dis des bêtises, mais regarde pas comme ça, toi. Wes Craven, c'est le barbu, le réalisateur. Wes Craven, c'est le barbu, c'est lui qui dit. Ah oui, non, c'est Chase quelque chose, alors. Ouais. Voilà, c'est parce que j'ai confondu. Du coup, son mec, il va mourir dans de manière assez étrange. Enfin, on va le retrouver complètement lacéré. Son fils, il commence à avoir des comportements bizarres. Il est somnambule. Ouais, puis il se réveille en hurlant, on comprend pas trop. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que ce cher Freddy soit sorti des films pour aller embêter son monde dans la réelle réalité. Voilà. Et on dit, mais en fait, il est increvable, ce mec. Et en fait, à un moment où est-ce qu'on explique, c'est pas vraiment Freddy. Il dit, quand on crée quelque chose, quand l'imaginaire collectif crée quelque chose, cette chose entité arrive prend à une sorte une de forme, vie propre. Ouais. Et là, comme il n'y a plus de film, il veut sortir, il veut revenir quand même, malgré qu'il n'y ait plus de film. Il faut faire des films pour vraiment l'éliminer. Ce qui fait tout le truc qui est un peu tordu quand même. Moi j'aime bien le concept. Ah, moi j'aime beaucoup le concept. J'aime bien le concept. Mais juste... je trouve moins clair que par exemple L'Antre de la Folie qui est sur le même concept, enfin presque le même concept et qui là défonce tout. Concrètement, ouais, le concept il est génial. Il est très drôle et même Robert Englund est terrible dans son propre rôle, il est très très drôle aussi. Mais cette film quoi pour en arriver là. Ouais, mais t'as pas vu tous les Vendredis 13 toi? Non, c'est les pires. Parce que quand tu vois les 7 Freddy, la qualité elle est quand même assez constante sur les Freddy. Et le 7ème, il finit quand même bien. Alors que les Vendredis 13, la qualité n'est pas constante et ça finit de pire en pire. Vendredi 13, c'est pas Jason. Si, c'est Jason. C'est ça. Ils ont eu moins en moins de moyens aussi pour le faire ou pas? Non. Pour les Freddy? Non, les Freddy, ils ont toujours eu des moyens. Parce que je sais que le 1, il y a eu des problèmes de fric. Le 1, il n'y avait pas beaucoup de moyens et après, il y a toujours eu des moyens. Après, ils ont eu comme des dons en fait. Non, c'est pas des dons. C'est la production qui a dit attends, ça marche, on peut mettre plus de fric dedans. Mais c'est genre un Chinois qui a donné comme ça. Ah, pour le 1? Pour le 1, oui, bien sûr. Il y a eu un don, ouais. Il y a eu un don parce qu'ils n'arrivaient pas à aligner. Ils n'arrivent même pas à payer les effets spéciaux, puis les acteurs, quoi. Ah ouais. Oui, sur l'un, oui, il y a quelque chose. Mais après, non, les autres, ils ont toujours eu plus de moyens. À part le 6, qui a eu moins de moyens, parce que le 5, c'était un peu crépé. Oui, il fallait que ça prenne, quoi. Et après... Et le 7, ils ont mis du moyen, parce que Wes Craven, qui revient à Freddy, on sort le chéquier, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, à un moment, le producteur, quand il joue son rôle, il dit, non, mais Wes Craven revient, on met les petits plats dans les gants, penses. Mais après, Freddy aussi, il a changé de... Parce que c'est plus Freddy, c'est l'entité, c'est cette entité. Oui, il avait plus le même visage. Et par contre, il a une sale gueule. Le concept était mal. J'aime pas la gueule qu'il a dans celui-là. Mais c'est vrai que il fait plus propre. Tout ça, c'est je trouve. Tout ça, c'est un petit peu aussi. On a peur de quelque chose, on a un truc enfoui. Comment le concrétiser? Comment le rendre C'est la peur du loup, quoi. Palpable. Ouais, c'est ça. Et puis ça reste les métaphores qu'utilisait Craven au final, ça matérialise la pensée, la création collective, les peurs collectives. Et parce que c'est tellement quelque chose de... Et en plus, c'est 92, c'est quoi? C'est vraiment la fin des films d'horreur. C'était la fin, les Freddy. Jason en 92, ça devait être le Jason Van Enfer, je crois que c'était 91. C'est là qu'normalement, Il y a la main de Freddy qui vient chercher la base de Jason à la fin. Je crois que c'est fâché par la lumière. Jason. Avant, c'était pas la New Line. Non, ça n'a jamais été la New Line, Jason. Mais là, Robert Shay, le producteur de New Line, a autorisé de prêter la griffe parce qu'il trouvait l'idée cool. Oui. Et après, ils se sont dit, attends, on pourrait en faire un film. Oui, on en reparlera. On en reparlera, le film, il a mis 15 ans à se faire. On va en reparler là, juste après le 7. Hein. D'accord. On va enquiller. Du coup, en gros, pour résumer, le concept, il est excellent, mais comme forcément, je les ai tous bouffés quasiment d'un coup, les Freddy, j'en pouvais plus, je peux pas l'apprécier à sa juste valeur, ce film. Ah, c'est possible. Je peux pas. Mais après, moi, je le trouve, c'est du Craven, donc le concept est génial, mais derrière, c'est plan-plan. Ouais, c'est réalisé un peu... C'est mou du fion, hein. C'est presque à la va-vite, quoi. Enfin... Non, pas à la va-vite. Parce que Wes Craven, quand il a fait c'est film, je prouve que c'était super. La réalisation, elle était sympa. Ouais, elle est pas mal, mais elle était... Ouais. Non, mais... Les scrims, ça partait moins en délire que les Freddy, donc ça marche, la réalisation est propre. Alors que les Freddy, tu t'attends du grand délire à chaque fois, et là, à part la scène de départ avec la main mécanique qui tue les trois mecs d'un coup, là, qui est bien foutu. Le reste, après, c'est plan-plan, quoi. Ils nous refait le coup de la main dans la baignoire. Peut-être c'est un hommage. Oui, c'est un hommage. C'était un remake déguisé. Non, c'est un hommage, effectivement. C'est un petit clin d'œil. Mais justement, comme tu le dis, si ça avait été vraiment une saga hyper bien ficelée, il n'y en aurait pas des bons et des moins bons. Si, parce que c'est chaque réalisateur, mais ça pâte. Voilà. C'est pas Wes Craven qui a géré. Puis, entre deux, tu as eu des grèves de scénaristes. Donc, même si tu as des réalisateurs qui mettent leurs pattes sur le cadre, par exemple, tu n'as pas de scénario parce qu'il y a une grève de scénaristes qui est tombée à ce moment-là. Le 5, il a été fait en 9 mois, alors le scénario, il a été. C'était ça le problème, justement de la constance de quelque chose. Et puis c'est que ce soit fait par des personnes encore différentes. Encore une fois, Freddy est assez constant. Les Freddy, je trouve qu'ils sont assez constants. Bah, les Halloween, moi je trouve. Les Halloween, ils sont pas constants. Ils sont pas constants. Bah, déjà, le 3 que tout le monde a. Le 3, ça va, j'aime bien. Mais j'aime bien c'est comme Freddy 2, tu dis, c'est pas un Halloween. Et bon, les seuls qui sont constants, c'est quand c'est fait par la même personne, ouais, voilà. De A à Z, quoi. Oui, parce qu'ils partent, enfin, c'est où il va, le gars. Voilà, sa façon de penser aussi. Et surtout, Craven, bah, Freddy 7, il y pensait dès le 3, donc ça fait un moment qu'il le mûrissait, qu'il se disait, c'est comme ça que ça va se terminer. Il y a un truc quand même qui était chouette dans la saga, c'était à chaque fin de film, moi j'attendais le « comment est-ce que Freddy va se manifester pour dire qu'il va revenir ?» Qu'il va revenir, oui. Ça, c'était cool. Bah, dans le, je crois que dans le 4 et le 5, il n'y a pas trop ça. Honnêtement, je me rappelle plus. En tout cas, c'était peut-être très très discret, mais c'était un truc qui était cool, ça, quand même. Oui, c'est rigolo, ce petit clin d'œil. Bah, comme dit Julien, qu'on comprend pas après. Pourquoi il revient, Freddy ? Bah oui. Bah oui. Il sert à... Mais qui revient 10 fois, ça. Bah, en plus, il le dit, je sais plus, c'est dans le 6 ou le 16, il le dit en se coupant les doigts. Ils m'ont enterré, ils coupent un doigt, ils m'ont béni. Ça marche pas. Je suis toujours là. Ils m'ont brûlé, ils m'ont enterré, c'est ils m'ont béni. Ils m'ont enterré, ils m'ont béni, quoi. Ainsi de suite. À chaque fois, ils coupent un doigt. Et il n'y en a pas de prévu. Ouais, alors, si on veut parler de Freddy plus récent, du coup, on a eu le Freddy contre Jason. Si on a fini avec la saga en elle-même. Freddy numéro 7. Ok, action. 6 films plus tard, les acteurs sont réunis. Coupé. On a peaufiné les effets spéciaux. Plus de sang, plus de sang. Wes Craven tourne un nouveau Freddy. Coupé, c'est bon, on la garde. Mais cette fois, son univers imaginaire semble devenir réalité. Il veut s'extraire du film. Freddy Krueger est de retour. S'extraire du film pour rejoindre la réalité. Et plus qu'une revanche. Si tu me parlais de ton rêve... Je t'ai manqué. Il veut qu'on lui donne vie. Amsi. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé de Freddy. Freddy ? Comme si j'étais Freddy. Est-ce un film ? Est-ce que ça te dirait de tourner dans le tout dernier Freddy ? Mais je croyais qu'il était mort et enterré. Freddy te coupera en deux. Dylan, tant que je ne suis pas rentré, il ne faut pas que tu t'endormes. Est-ce un rêve ? Est-ce la réalité ? Chat écorché, tu connais. Freddy a pris mon petit garçon, il a pris mon fils. Si vous avez cru à la fin de Freddy, préparez-vous à découvrir. Je vais t'engloutir. La véritable histoire. Wes Craven présente. C'est l'histoire. Histoire d'un film. Freddy sort de la nuit. Ton heure est venue. Freddy contre Jason, personne ne l'a vu à part moi. Non. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu au ciné, j'étais tout seul déjà. Je l'ai vu. Dans la salle ? Oui, oui, dans la salle. Oh la vache. Je l'ai vu, je sais pas un peu le mais je l'ai vu avec une amie. Je me rappelle. Non, t'enfonce pas, tu l'as vu. J'ai vu. Du coup, ça finit à égalité. Oui, ça finit en égalité en plus. Ça finit, t'as l'impression que Jason bat Freddy, puis tu vois la tête de Freddy qui se rouvre, les yeux qui se rouvrent, et il cligne des yeux, l'air de dire c'est bon, je l'ai niqué, l'autre Google. Genre comme ça, là. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, en plein regard caméra et tout. Donc, il y aura des suites à la suite. Non, non, il n'y en aura pas. Non, parce que je crois qu'il a, ça n'a pas marché. Marché. Ça n'a pas marché. Non, mais les suites, ils vont mettre Jason d'un côté, Freddy de l'autre, et puis ils vont. Non, mais ça, ils l'ont fait avant, ça, mec. Ouais, ouais, bah, ils vont le refaire après, maintenant. Non, bah, en fait, après, ils ont posé une nouvelle base. Ils ont fait un remake de Freddy. Ils ont fait un remake de Freddy. Ah chier, là j'ai essayé de le revoir celui-là, j'ai pas pu. J'ai pas passé la demi-heure, j'ai dit c'est bon, ça me gâte. Déjà, même le concept de Freddy, on dirait un chat cramé. Là, donc... Ouais, bah ils ont voulu être propre à un truc sur réaliste. Chats, un truc réaliste. Ouais, tu vois, quoi donc, vous êtes sérieux débat, et après le concept, ça sert que Freddy, c'est un peu le comité contre les chats. Ouais, mais c'était sous-entendu. Non, les autres. C'était sous-entendu, toi. Le CCC. Ouais, voilà. Le comité contre les chats. Les chats, c'est rien que des bons là. Les chats, c'est rien que des bons là, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, le remake de Freddy était bien à chier. Par contre, le remake des Vendredi 13 aussi. Était très bien. Ouais. Moi, j'ai adoré. Mais par contre, ils sont bien drôles quand même. Ils sont bien drôles, les chats, quand même. Mais pour revenir à Freddy contre Jason, moi, j'avais des super souvenirs au cinéma de m'être marré et tout. Je me suis dit, ah, un petit plaisir, je vais me le refaire. Ben non, j'aurais pas dû. C'était pas un plaisir. C'était déjà quand t'as vu que t'étais tout seul dans la salle, t'aurais dû te poser les bonnes questions. Hein. Ouais, moi bon, en même temps, j'étais le voir à son évêque en après-midi. Hein. Aussi, ouais, des fois, moi, j'ai vu L'exorciste aussi, j'étais tout seul dans la salle. Aniki Monfer, j'ai vu tout seul avec mon frère. Ah, ouais. À un moment donné, tu te sentais un peu supérieur, t'es là, waouh, je suis tout seul. Ouais, tu te sens supérieur, c'est ma ouais, salle. Je suis maître du monde. Après, les effets spéciaux sont très mal vieillis. Alfred, ils ont tous très mal vieillis, les effets spéciaux. C'est irréversible, tu l'as vu. Non, puis le combat à la fin, les deux qui font du kung fu, tu dis non. Les gens y partaient un peu. C'était ironique. La salle était un peu remplie au départ. Et les gens, à chaque fois qu'il y avait une scène, hop, il y avait un lot qui se barrait. Bah là, il y avait plus qui était plus mercenaire en fait. Irréversible. Sur celui-là, encore, la fiancée de Chucky, c'était cool. Mais là. Branded, ça ressort au cinéma, on y va tous. Ah oui, j'y vais. On y va tous ensemble. Oh non. Ah si, Branded au ciné. Et là, confinement. Là, Branded au ciné, là, c'est bon quoi. Un grand écran, un vrai bonheur. Ah, ça serait un plaisir. Ah, trop bon. Ça manque hein, quand même. Hein, à Branded ciné, au ciné, ouais. Non, le ciné tout court en fait. Ouais, mais là, ah, mais j'ai encore l'image de la pustule là, qui éclate, qui atterrit dans la crème anglaise. Là. J'adore ah, la crème curieuse. Anglaise. Ah, c'est good tube. Bah, pareil, ouais, tu à un moment donné, ils croisent un rat, là, puis ils sont trippés avec le rat là, aussi, de faire des trucs bizarres. Ça le rat, dans le sage rat, ouais, dans le 2. Ça, il ouvre une armoire là, quand il rentre dans la vieille usine. Là. Ouais. Puis un rat, puis tu sais, vers la fin du film, je sais pas, le rat il se transforme. Ah oui, il y a un truc, ouais, c'est vrai, je me souviens pas exactement. C'est un peu bizarre, bah, tu sais, dans le même truc avec les chiens. Que le chien attache humain. Ils sont trippés avec les rats. Donc, enfin, tu me dis, tiens, c'est un rat. Ah bah, en parlant de rat, moi j'avais vu un autre film où il y avait un rat qui se battait avec une top géante, c'était très drôle. Une top géante. C'est pas Nicolas Cage. Non, non, c'était le troisième réanimateur. T'as un mec qui se fait couper la bite et là, vite vit encore, et du coup, il se frite avec le rat. C'est comme un verre, quoi. Et tu coupes la tête, ça bouge encore. C'est au milieu du film. Mais bon, c'est dégueulasse. C'est ça. Voilà, oh, bah que... encore un qui se fait attaquer la quéquette, c'est dans Zombieverse. Ah oui, Zombieverse, je l'ai pas encore vu. Les castors zombies. Oui, je l'ai pas encore vu. On l'a vu. Il est sur ma liste. J'en ai vu d'autres entre deux. J'ai mais vu si, Piranaconda. On t'en avait parlé, t'as dit que tu l'avais déjà vu. Non, j'ai pas vu Zombieverse. Mais oui, il est sur ma liste. Oh la vache. Mais j'en ai plein sur ma liste. J'ai vu Piranaconda. Il m'a bouffé la teub. Ça, à mon avis, ensemble, ça va. Non, Piranaconda, c'est bien à chier. Piranha, qu'on a vu, qui m'a bouffé la teub. Ouais. Mais dans Zombieverse. Même le Piranha, il te la rote en 3D la teub après. C'est magique. C'est un moment de poésie, ce film. Ah, Alexandre. Le pire truc que t'as vu, je crois que c'était. Leprechaun là. Enfin... Non, les Leprechaun n'étaient pas bons. Alors Piranaconda, c'est le pire que j'ai vu. Piranaconda, c'est bien à chier. Ah, mais ton truc là, c'était moche. Non, mais attends, t'as pas vu Piranaconda. Ah, ouais. Les effets spéciaux, ils ont pas voulu s'emmerder plutôt que de faire un truc qui bouffe les gens comme un anaconda, quoi. Bah non, en fait, ça fout des gros coups de boule. C'est plus facile à gérer en effet spécial de faire un coup de boule. Mais si, j'ai vu quelques scènes. Donc le Piranaconda, il éclate le mec à coup de boule. Ah, si, j'ai vu quelques scènes, c'était affreux. Bah, c'était naze, oui. Enfin, bref. Ah, les nanars. Donc après. Les séries quand t'as... Ouais, ça, c'est une série Z parce que je me suis bien fait chier avec Piranaconda. Mais quand tu vois ça, après, tu regardes Freddy, c'est. Bah, c'est. C'est Citizen Kane. C'est crème, hein. Ouais, quand même. Non, Citizen Kane, c'est chiant. Je sais pas. Il est sur ma liste. Je l'ai en DVD. Bonne chance. Mais ouais, tout ça pour dire, les Freddy, bon, bah. Non, je crois que c'est terminé, hein. Ils ont. Le remake. Peut-être qu'ils vont faire un autre remake. Ouais, mais le remake les a bien flingués, hein. Non, non, non. piété, tu ne sentiras rien du tout. Autant Vendredi 13, le remake, il a un peu reboosté le truc, mais Freddy, non, ça n'a pas marché. Oui, de toute façon, c'est ainsi que ça va revenir. Ils vont faire. On verra. Là, j'ai une idée. On va faire revenir Freddy. Ça n'a rien à voir avec le nombre 13. Hein. Non. Bah après, Freddy, on l'a vu. Freddy, il est dans les Mortal Kombat maintenant. Tu le vois dans plein de trucs. Enfin, c'est l'icône. C'est devenu un personnage à part entière, quoi. Ouais, bah ouais. C'est pour collecteur, hein, Freddy. Il y a des figurines, il y a plein de trucs. Ouais. Il y en a une à la maison. Voilà, bah. Non, puis le fait de le voir dans les Mortal Kombat, dans les trucs comme ça, tu vois bien que le personnage il s'est intégré. Dans les Mortal Kombat. Ouais. Dans les derniers, à partir du 9, 10, 11, tu peux l'avoir en DLC. Ouais. Bah, dans les derniers, t'as Robocop, Terminator. Rambo. Et Predator. Il est moche, Rambo. Voilà, ils l'ont mis sur Call of Duty, Rambo, Daryl McLean, il veut la pub. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Je comprends pas l'intérêt. Bah. Ça avance, ça avance. Ah oui, bah, oui, donc. Non, parce qu'encore dans les Mortal Kombat, ça te fait un combattant en plus. Bon, ben voilà, ben on a fini de parler de Freddy. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on en pense de Freddy ? Très bonne saga. Pour moi. Mitigé. Moi, t'as pas vu les autres. Tu dis que tu c'est bon, j'en ai déjà vu 7. Ah, pour le coup, j'ai vu les autres et je reste mitigé pour moi. J'aime bien le délire de la saga, j'aime bien le visuel, mais après. Bon. Bah, moi, je pense que si on gardait le 1, 3. 5 et 7, on est bon. Ouais, moi j'ai aimé 3, 5, 7, c'est bien. Et le 2, pour faire plaisir à Julien. Le 2. Oh non. Pour la scène de serviette sous la douche, on regarde. La scène de serviette sous la douche, coup de torchon. Voilà, c'est ça la vraie scène. C'est ça les vrais coups. C'est ça qu'il faut retirer de Freddy, le coup de torchon sur le cul. Ouais, c'est là où on voit un peu la délicatesse du personnage. Mais oui, c'est là, un peu de poésie, quoi. Un peu d'action. Ah bah du coup, t'as vu le 7 ou pas ? Bah non. Où il sort sa très grande langue, là, comme ça. Bah déjà, il sort sa très grande langue. Et il le fait dans le 1 et dans le 2, ouais, par le téléphone. Le 2, ouais. Ouais. Non, mais là, tu vas kiffer, c'est pire. Sa meuf, là. Sauf qu'il commence à avoir une super grosse langue, super moche. Là, ouais. Bah, tu verras dans le 7 aussi, c'est pas mal. Ouais, dans le 7, c'est plus long que c'est un anaconda. C'est dommage, il a pas continué, elle aurait kiffé. Pas sûr. Oui, ce coup, ça un jour, je verrai les 7, peut-être. Ouais, ouais, bah. Non, mais il faut les voir, mais pas d'un coup. Ouais, voilà, un par an, quoi. Un peu comme les sorties, quoi. Moi, j'avais envie de les revoir d'un coup, j'ai tous revu. Ouais, merci. Non, je trouve que la série est assez sur la qualité assez régulière, mais bon. T'as un peu vieilli, non, quand même, non ? Ouais, certains ont un peu vieilli, pas tous. Il y a des effets qui ont très, très mal vieilli. Le 6, il pique, visuellement. Le 1, même sans parler du grain, enfin, voilà, c'est un peu vieillot, quoi. Fin... Ah ben, oui. Attends, le 2, dès le début du 2, là. Le mini-short, tout ça. Non, ça pas, vie, pas, mini-short. Pas les mini-shorts, c'est pas ça, parce que c'est années 80. Mais franchement, le rêve, c'est ce qu'ils ont toujours. Années 80, c'est bon. C'est années 80, voilà. Pourtant, c'est années 80, mais il n'y a pas de fluo. Tu vois, c'est... Le fluo, c'est une image dans le 2, si. Ah non, j'étais en fluo, moi. Dans le 2, les mini-shorts, ils sont fluo, les débardeurs, ils sont fluo. C'est avec son t-shirt rouge, là, bien rouge. Ouais, ça fait plus années 70, moi, je trouve, dans le style. Oui, mais c'est début mais bon, 80, je crois. C'était pas très loin des 84, oui. Dans les années 70, ouais. Oui, il a dû, encore, ouais. Il y avait même les chaussettes encore jusqu'en en dessous les genoux. Là. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Donc, bon. Oui, c'était, fin, ouais, c'était plus dans l'esprit fin 70 ouais, que fin 70, vraiment 80. Début 80, ouais. Mm. Bon, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu, on conseille quand même un petit peu. Oui, bien sûr, oui. Les chiffres impairs, 1, 3, 5, 7. Tu veux t'inspirer pour une bonne margarita, oui. Pourquoi la margarita ? Bah, la pizza. Ah oui, la pizza, oui, c'est vrai. Et dans le cas, tu as une belle pizza. Bien, bien. Bon, bah écoute, on va tous se remercier. Hein. Merci, moi. Merci, nous. Merci, merci. Merci, nous. Voilà. Merci pour l'idée. Ouais, bah ouais. On va peut-être pas le faire à chaque fois, les sagas, parce que bon... Ouais. J'ai cru comprendre que tout le monde n'était pas fan de Freddy. Il n'y a pas beaucoup de sagas qui tiennent le coup. Hein. Harry Potter. Les aliens. Oui, aliens. Harry Potter. Harry Potter. Ouais, Harry Potter, c'est vrai. Ouais, mais là, bah, il y en a, c'est beaucoup. Bah, écoute, Jojo, il voulait les voir l'autre fois, les Harry Potter. Bah, du coup, il y en a 8. C'est gérable. Il y en a 8. Voilà, pour l'année prochaine, Harry Potter. Ouais, ou peut-être pour un Noël, spécial Noël. Ouais. Ouais, toi, tu veux le repousser le plus possible, quoi. Bah, tu sais, Noël, ça va arriver vite maintenant. Bah, oui, si je commence à en regarder un par mois, bah, ça va arriver vite. Bon, on verra pour le prochain. Saga, c'est à partir de combien ? Bah, nous, on est 6, donc à partir de 6, c'est bien. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup, quand ah, même. Quand même. Sinon, on peut être à deux à parler du même. Oui, aussi. Bah, on peut faire le retour vers le futur et être deux à parler du même, effectivement. Oui, saga, c'est et à Star partir Wars de aussi. 3, bah, du coup, Star Wars, la saga. Ça dépend lesquels. Star Wars, ça dépend lesquels. Je ne parle pas des prélogies. Ouais. Il y a saga Terminator. Matrix. Pardon, je me suis étouffé quand t'as dit saga Matrix, Terminator. Il y en a Matrix, que deux. Terminator, c'est pas, il y en a pas. Comment? Il y en a deux Terminator. C'est vrai? Même le 1 Le 1, j'ai réussi à m'endormir avec deux Red Bull dans la gueule. Wow. Matrix? Ouais. Ah, moi le 3 j'ai dormi avec une bouteille de vodka dans la gueule. Ouais, donc tu vois, on s'est tous endormis finalement. Oui, ouais, une bouteille non, de vodka. Non, les pires, c'est les Seigneurs des Anneaux. Oh là là, alors ça, j'ai mis avec un collègue. Ah ouais, j'ai réussi à tous les voir, les Seigneurs des Anneaux et les Hobbits. Ah bah, ils sont encore là? C'est ça. Ouais, vas-y, genre, une petite sieste. Ah, le pire, c'est le premier Hobbit. Tu dors, oui, tu réveilles une heure après, il est encore en train de bouffer. Le Seigneur des Anneaux, j'avais commencé à regarder avec eux, j'ai fait. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Le 2, je l'ai vu en avant-première au cinéma. J'ai vu Gollum monter la montagne. Et puis après, je l'ai vu la redescendre, mais j'ai rien vu entre les deux. Hein. Et il descend et la montagne. À 22h, vas-y, va voir Seigneur des Anneaux, toi. Okay. Non, c'est compliqué. Ouais. Oh non. Les bouquins aussi. Enfin, ça doit être des descriptions, mais du Zola, quoi. Bah, tu sais, le truc. Bah, c'est ça, en fait. Ah, c'est pour une fois, ils ont respecté le bouquin. Ouais. Et merde, quoi. Ah ouais, t'as envie de te dire. Les longueurs et les tout. Longueurs, quoi. Oh. Donc évidemment. Moi j'ai commencé, j'ai passionné, commencé à lire les bouquins, mais au bout de 1000 pages, le mec était pas sur le les bouquins, c'est encore pire. Non, non, le film a bel et bien supprimé des longueurs. Oui, il y a des scènes du bouquin qui ont sauté. Hein. Moi, j'ai commencé à lire le bouquin. Mais par contre, voilà, c'est le Seigneur des Anneaux, le premier, c'est juste. Faut vraiment aimer cet univers, quoi. Ouais, faut aimer l'univers. Vraiment. Il est version longue, il y a pire. Moi j'ai vu en version longue. Mais je les ai jamais vus en version longue. Je les ai vus les versions normales au cinéma, je me suis dit, oh, j'ai acheté la longue. Déjà, la version courte, elle dure 3h30. Oh, il dit celui qui a regardé Justice League, version 4h. Oui, mais il n'y a qu'un film, quoi, t'en as pas 6. Tu l'as vu? Ça t'a plu? Bah, pas plus que la version courte. Non. C'est pas chose. Bah, du coup, la version courte a un avantage, elle est plus courte. Ouais, mais. Et non, bon, voilà, ça se regarde vite fait. Mais... Moi, j'ai commencé le début, j'ai pas eu le temps parce que de le voir, mais j'ai bien aimé. Je suis arrivé à la bousasse de Bah visuellement je l'ai préféré ça, mais je l'ai pas fini. Moi au bout de deux heures de film j'ai dit putain c'est bientôt fini. Ah non, je me couchais. Je me suis arrêté parce que j'avais pas le temps. Bah, j'étais fatigué. J'étais à fond dedans. Voilà. Bon mais en tout cas on se revoit d'ici je sais pas 2-3 mois. Hein. À Noël prochain. Non bah non, Noël prochain c'est Harry Potter, on se voit entre les deux. Pendant l'été, voilà, coup, à la rentrée. On va être obligé de regarder Harry Potter, on va être obligé de regarder tous les épisodes. Bah et t'as regardé tous les Freddy? Ouais mais c'est pas tout à fait pareil je pense l'histoire. Ouais, ça parce que je pense que si je commence à regarder uniquement, je sais pas, Harry Potter le 4, le 4e. Oui, tu vas pas, on va pas parler grand chose. Film, sachant que j'ai pas vu avant. Surtout que le protagoniste il grandit avec le. C'est ça? C'est pas faux. Parce que Freddy c'est quand même. Pour le coup, c'est vraiment une suite quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut les avoir vus. Je pense que Harry Potter, si tu commences, faut regarder. Il y en a combien? Il y en a combien? 8. Tu vois, faut les regarder tous, quoi. T'as qu'à tous les regarder, écoute. Ouais. Imagine, toi, t'es choisi pour taper le dernier. Ah Harry bah non, faut que t'es obligé de regarder ceux d'avant. Bah, je prends le 1. Celui qui regarde Harry Potter le 8ème, ce sera Eloïse, puisque celle qui a proposé le thème. Ouais, c'est ça, donc elle a regardé tous les. Bah, si elle les a. Mais sinon, il y a d'autres sagas qu'on peut faire. Enfin, moi, je dis rien. C'est vrai que c'est une saga où il y en a plusieurs. Enfin, il y en a au moins. On peut le faire en deux parties. Non. Non, parce qu'il faut quand même tous se les faire. Ça se mange d'un coup, ça. Mais en tout cas, on en reparlera hors micro après de tout ça. Là, on se dit tous au revoir et à la prochaine. Au revoir. Tchuss. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir, président. Allez, Julien, retourne à la douche. Avec ton torchon. Le torchon. Bienvenue dans mon cauchemar. Nous sommes en danger, jour et nuit. Pourquoi tu ne meurs pas ? Par ma Freddy contre Jason. Les paris sont ouverts.